Bien, bonjour pour bienvenue donc à la première séance de ce séminaire consacré à Bourdieu et le politique. Alors juste quelques mots pour vous mettre un petit peu en perspective ce séminaire. En fait, c'est un projet de séminaire sur 2 ans consacré donc à Pierre Bourdieu. Cette année, la thématique est consacrée à Bourdieu et le politique. Et le séminaire se clôturera sur une journée d'études qui aura lieu vraisemblablement début juin et qui sera consacrée à Bourdieu et la théorie de l'État, de manière à prendre en compte notamment la publication prochaine des 2 ans de cours qu'a donné Bourdieu sur cette question au Collège de France, donc ouvrage qui va sortir début janvier. Et l'an prochain, alors nous n'avons pas encore le programme exact, mais le séminaire sera consacré à la question de Bourdieu et les disciplines pour tenter de comprendre les rapports qu'il entretenait à la discipline économique, historienne, la science politique, l'histoire, etc. Donc l'objectif de la mise en place de ce séminaire Bourdieu, c'était bien évidemment d'une part d'interroger l'œuvre du sociologue, mais c'était aussi de tenter de dresser un certain nombre de passerelles, de construire un certain nombre de passerelles avec d'autres disciplines. Bien évidemment, bon, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, donc qui sont le cœur en quelque sorte du Sophia Paul, mais aussi la science politique, qui n'est pas toujours avec laquelle les relations de ce département n'ont pas toujours été des plus aisées non plus. Donc ça s'inscrit également dans cette dynamique là d'ouverture et de réflexion plus générale sur la question du politique. Donc voilà, je pense que vous avez tous le programme de cette année. Je vous signale que si vous souhaitez valider ce séminaire comme séminaire doctoral, vraisemblablement c'est possible. En revanche, ça sera à vous d'amener le formulaire qui convient, de manière à ce qu'il puisse vous être visé à la fin du séminaire, non pas à la fin de chaque séance, mais à la fin générale du séminaire, donc au mois de mai. Voilà, je passe tout de suite la parole à Christian pour la présentation de notre invité. Bien, donc c'est de faire une porte peut-être pour avoir un minimum d'intimité. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir comme premier conférencier donc Philippe Corcuff. Philippe Corcuff, il est maître de conférence en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon et il est par ailleurs membre de l'équipe de recherche CERLIS. Alors ces recherches donc couvrent plusieurs axes en fait, balayent plusieurs axes. Un premier axe est consacré à l'épistémologie des sciences sociales, dans lesquelles Philippe s'interroge sur l'éclaircissement des rapports entre éthique, politique et sciences sociales, dans la logique ou avec l'option théorique en fait plutôt d'une nécessaire autonomie des sciences sociales. Il s'intéresse aussi à la théorie sociologique, à la place de la critique dans les conceptualisations sociologiques contemporaines, en particulier la sociologie de Pierre Bourdieu et dans la sociologie pragmatique initiée par Boltanski et Thévenot. Il s'intéresse aussi au dialogue en fait, entre sociologie, philosophie et culture ordinaire, cinéma, roman noir, chanson. D'ailleurs, je pense que la conférence sera illustrée musicalement. Et enfin, il y a aussi dans son travail toute une part d'investigation empirique et théorique sur la place de l'individualité dans les sociétés individualistes contemporaines. Alors, parmi ces multiples publications, je citerai juste quelques-unes, à part allonger les choses hors de propos, mais donc je citerai d'abord les nouvelles sociologies entre le collectif et l'individuel, qui est paru chez Armand Collin en 2011. Je citerai aussi en 2011 « Béaba philosophique de la politique pour ceux qui ne sont ni énarques, ni politiciens, ni patrons, ni journalistes », paru à Paris Textuel, collection Petite Encyclopédie Critique. Et je citerai avec Christian Lebarthe et François de Singly « L'individu aujourd'hui », donc débat sociologique et contrepartie philosophique, paru à Rennes, Presse universitaire de Rennes, et c'est paru en 2010. Alors le titre de sa conférence aujourd'hui, c'est « La critique sociale et l'émancipation de la productivité intellectuelle et politique des tensions Bourdieu ancienne ». Donc nous lui laissons la parole pendant à peu près une heure, enfin comme il veut, trois quarts d'heure, une heure, c'est lui qui voit, et nous avons ensuite une heure pour la discussion et le débat. Voilà. Philippe, c'est à toi. Bien, merci. Bien, je vais donc m'intéresser aujourd'hui à la sociologie de Bourdieu et de ses rapports à la politique, sous un angle particulier que je n'ai jamais traité systématiquement pour l'instant, donc c'est en partie explorateur pour moi. C'est la question donc des interférences, des tensions avec une autre une philosophie qu'il a critiquée, celle de Jacques Rancière. Je ferai de ce lien Bourdieu-Rancière un nœud productif particulièrement intéressant pour la possible redéfinition d'une critique sociale émancipatrice aujourd'hui. Alors pourquoi parler de, c'est un peu le cadre général de mon propos, pourquoi parler de critique sociale émancipatrice et de redéfinition possible ? Il me semble que certaines caractéristiques de la période politique ou intellectuelle amènent à cette possible redéfinition d'une critique sociale émancipatrice. Tout d'abord, à cause d'un certain sentiment d'un double épuisement, d'épuisement relatif des deux grandes politiques d'émancipation moderne, la politique d'émancipation républicaine démocratique et la politique d'émancipation socialiste. Et puis la deuxième raison pour laquelle cette question de redéfinition d'une critique sociale émancipatrice se pose, c'est dans un champ historique un peu plus restreint, mais long quand même, le constat que ça fait à peu près deux siècles pour la France qu'est née l'espérance de la construction d'une société non capitaliste émancipée, et que pour des raisons diverses, ça fait deux siècles que ça échoue. Donc, tenant compte de cette longue lignée, il me semble que ces deux aspects nourrissent l'idée qu'il faudrait relancer, mais sur des bases renouvelées, une nouvelle politique d'émancipation, en s'appuyant de manière critique sur les traditions émancipatrices passées. Alors, cette possible redéfinition d'une critique sociale émancipatrice, je la conçois comme s'opérant sur trois registres autonomes qui ont des intersections et des interactions. Deux registres savants, académiques, universitaires, la sociologie critique et la philosophie politique. Et un troisième registre, la théorie critique émancipatrice, qui déborde largement la théorie critique émancipatrice, le monde académique, parce qu'elle se déploie sur une variété de lieux, des revues, des organisations politiques, des syndicats, des associations, des réseaux divers. Donc ce registre de la théorie critique émancipatrice est plus large que les disciplines académiques, sociologie et philosophie politique. Alors, juste quelques mots pour voir comment on peut traiter épistémologiquement les rapports entre ces registres. J'ai un traitement qui s'inspire de Wittgenstein. De Ludwig Wittgenstein, je prends ces trois registres intellectuels comme des jeux de langage. Je rappelle ce que, dans ses recherches philosophiques, Wittgenstein appelait jeux de langage. L'expression « jeu de langage » doit ici faire ressortir que parler un langage fait partie d'une forme d'activité ou d'une forme de vie, C'est-à-dire un lien, disons, entre jeu de langage et forme d'activité et de vie, comme consubstantiel, bon, qui est tout à fait en congruence avec l'adage de Wittgenstein selon lequel le sens, c'est l'usage. Bon. Et puis, je m'appuie aussi sur un usage épistémologique qui a été fait des notations de Wittgenstein dans les années 80 par un biologiste, Henri Adlan, dans un livre qui s'appelle « À tort ou à raison ». Puisque s'appuyant sur Wittgenstein, il a forgé la notion de jeu de connaissances. Donc la possibilité d'un jeu de connaissances sociologiques, d'un jeu de connaissances philosophiques, etc. Cette idée de jeu de connaissances oriente dans deux directions. Une autonomie des registres intellectuels, basée sur des formes d'activité et de vie partiellement distinctes. Deux, avec, n'excluant pas des zones d'insertion, d'un d'intersection entre les deux. Deux, une productivité cognitive des emprunts, des transferts, d'un problème d'un jeu de connaissances à un autre jeu de connaissances. D'une notion d'un jeu de langage à un autre jeu de langage. En ayant en tête que le fait d'utiliser la notion prise dans un jeu de langage, dans un autre jeu de langage, comme elle va être introduite dans un cadre d'activité ou une forme de vie distincte, il y aura un déplacement de signification, donc ce ne sera pas exactement la même signification, selon toujours l'adage, selon lequel le sens c'est l'usage. Donc il s'agit, dans le cadre de ce projet de redéfinition des catégories de la critique émancipatrice, de déployer des passages, ce que j'appelle des passages transfrontaliers dans les deux sens, entre ces différents registres. Donc ça, c'est le cadre un peu plus large dans lequel s'inscrit ce que je vais raconter sur Bourdieu et Rancière. Il faut préciser un peu pourquoi je retiens ces deux auteurs. Ça a un lien aussi... d'abord, c'est une façon de traiter les auteurs qui ne va pas être forcément la vision la plus classique. Souvent, quand on va traiter deux auteurs qui se sont opposés, qui ont une série de contradictions, la lecture, ça va être de mettre en cohérence les deux auteurs dans un ensemble, et on va donner un certain privilège à l'articulation de leurs concepts, de leurs contradictions, dépasser les contradictions, comme on dit dans une inspiration hegelienne, dans une entité englobante. Donc je m'inspire pas du tout de cette épistémologie qui se situe dans le sillage hegelien, je m'inspire plutôt des pistes fournies par Proudhon, qui a produit une critique méconnue de Hegel dans une série de textes. Et Proudhon appelait à substituer au thème du dépassement dans une synthèse le privilège non pas donné au dépassement mais aux antinomies, ou encore ce que Proudhon appelait l'équilibration des contraires. Donc je ne récuserai pas a priori la construction éventuelle de points d'articulation entre Bourdieu et Rancière, mais en fait je vais privilégier la formulation d'espaces de tension entre ces deux auteurs, en faisant l'hypothèse que pour reformuler en ce début de 21e siècle ce qu'on pourrait appeler dans une métaphore informatique des logiciels de la critique sociale et de l'émancipation, voilà, la construction de problèmes à travers des tensions pourrait justement être un gage de radicalité sans simplification, ou je dirais de radicalité dans la complication. Il faut préciser autre chose. Christian a signalé que j'utilisais les cultures ordinaires, et là on va écouter deux chansons. On va les écouter parce que dans un jeu de langage, justement, l'usage participe du sens, et donc pour une chanson, écouter une chanson, ça fait partie du jeu de langage. Bon. On va écouter deux chansons, et on va travailler sur deux chansons à la fin, pour travailler les tensions entre Bourdieu et Rancière. Pourquoi des chansons? Mais je veux faire dans d'autres arènes ce type de travail sur le cinéma, sur les séries télévisées ou sur le roman noir. Il ne s'agit pas de créer une sorte de grande équivalence entre chansons, sociologie, philosophie, cinéma, comme si c'était la même chose, hein, dans une sorte de magma postmoderne, comme si Souchon c'était Bourdieu ou Jonas c'était Rancière. Mais c'est plutôt l'idée de dire qu'on a aussi affaire à des registres culturels, à des jeux de langage autonomes, qui sont adossés à des formes de vie et d'activités spécifiques. Dans cette perspective, la chanson n'est pas le reflet de questions sociologiques ou philosophiques, ne constitue pas l'illustration de questions philosophiques ou sociologiques, mais permettent, dans leur forme, dans leur jeu de langage propre, d'engager un rapport spécifique aux questions sociologiques et philosophiques. Et donc, en prenant en compte de la spécificité de ce jeu de langage, on pourrait dire chansonnier. Enfin, dernière précision, les raisons biographiques du choix de ce couple Bourdieu-Rancière. Il se trouve que les deux auteurs ont joué un rôle important biographiquement. Pourquoi ? Lycéen engagé à la fin des années 70, en fait, j'ai été marqué par la lecture du livre La leçon d'Althusser en 1975 de Rancière, sa rupture avec Althusser. Dans une sorte de critique du théoricisme académique, hein, à l'époque il était engagé dans la galaxie maoïste. Et puis j'ai été aussi un lecteur entre 1975 et 1981 de la revue qu'il a contribué à fonder, Les Révoltes Logiques, et qui fournissait des éléments assez stimulants sur l'histoire ouvrière, et qui ont joué un rôle aussi par la suite, quand je me suis engagé dans une thèse de sociologie sur le syndicalisme ouvrier. Et depuis, d'ailleurs, j'ai toujours continué à lire Rancière. Et par ailleurs, la sociologie de Bourdieu a joué, disons, un rôle important dans la constitution de mon identité de sociologue, même si ça a pris une forme avec le temps de distanciation progressive, mais toujours dans un rapport que j'appellerais de fidélité critique. D'où le problème qui a toujours posé pour moi la tension entre Bourdieu et Rancière, notamment la parution en 83 du Philosophe et ses pauvres, puis 84 l'ouvrage du collectif Les Révoltes Logiques, L'Empire du Sociologue, qui tous les deux sont largement orientés contre Bourdieu. À l'époque, ça m'avait semblé en fait réitérer l'éternel combat de la philosophie pour retrouver un magistère philosophique sur les disciplines des sciences sociales. Et ça me semblait avoir une vue réductrice de Bourdieu. Donc on va voir d'ailleurs qu'il y a des choses intéressantes aussi dans ces livres. Mais en tout cas, disons, l'attention Bourdieu-Rancière, c'est pour moi aussi, d'un point de vue biographique, une tension importante que je n'avais pas, disons, essayé de clarifier jusqu'à présent. Et donc je vais essayer de commencer aujourd'hui. J'avais fait un petit texte sur le cinéma en 2005. Mais, alors, il y aura des... Il y aura des points communs, mais ça sera assez spécifique par rapport... Il y a un livre qui est paru sur ce thème de Charlotte Nordman qui doit intervenir dans le séminaire, Bourdieu-Rancière, hein, la politique entre sociologie et philosophie de 2006. Ça rejoindra sans doute certains points, mais de manière un peu à ma façon. Bon. Alors je vais avoir quatre étapes successives. Deux étapes plus théoriques, une étape plus empirique qui va emprunter sur des éléments d'enquête que j'ai menés, et une troisième étape chansonnière. Bon. Pour traiter ce problème. Alors la première étape, c'est une formulation générale du problème. C'est la question du rapport entre capacité et incapacité, philosophie de l'émancipation et sociologie critique de la domination. Alors, Rancière, dans un récent entretien de 2009, critique du spectacle, propose des formulations qui ramassent de manière synthétique toute une série de dimensions qui auparavant avaient été traitées par lui de manière dispersée. Va donner une formulation générale assez intéressante pour clarifier des problèmes. Formulation générale qui vise à la fois Guy Debord et Pierre Bourdieu. Alors je cite Rancière, « Ce qu'il y a derrière, c'est la manière dont toute la tradition critique marxiste-révolutionnaire a absorbé un certain nombre de présupposés inégalitaires. Il y a les actifs et il y a les passifs, il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui savent. » Ce qui en gros revient à dire, il y a ceux qui sont capables, il y a ceux qui ne sont pas capables. Donc cette idée que dans la théorie critique, d'inspiration marxiste jusqu'à Bourdieu, il n'y aurait pas simplement une critique de l'inégalité, mais une sorte de redoublement dans les catégories de l'inégalité, donc une absorption de présupposés inégalitaires. Et il précise que ça a une correspondance avec ce qui se passe dans les mouvements sociaux. Il y a effectivement dans le mouvement d'émancipation sociale une double possibilité dès le départ. Ou bien on pense l'émancipation comme fondée sur la capacité de n'importe qui, ou bien on part des incapacités. Alors on voit bien ici une série de conséquences politiques de ce débat. Partir des capacités des opprimés ou partir des incapacités des opprimés. Partir des incapacités des opprimés, c'est risquer... que d'en rester au verbe émanciper, et que émanciper ça remplace s'émanciper, un peu comme on émancipe les esclaves. Bon. Et donc on voit bien les figures classiques, l'instituteur socialiste, l'avant-garde révolutionnaire léniniste, et aujourd'hui on pourrait dire la féministe des années 70 face à la femme voilée ou à la prostituée, ou le prophète écologiste décroissant. On voit bien que toutes ces figures ont un certain type de rapport à ça. Bon. Mais partir des capacités, sans prendre en compte les incapacités liées aux inégalités, ben, ce n'est pas penser les contraintes sociales qui freinent le processus d'auto-émancipation. Alors, selon lui, selon Rancière, il y aurait un risque donc que la domination prenne toute la place dans les théories critiques de la domination, les dominés étant décrits comme complètement soumis à l'aliénation. Dans une sorte d'envahissement inégalitaire des pensées critiques, même les efforts d'émancipation des dominés tendent à être décrits comme l'effet d'une manipulation par le système, d'une récupération par le système ou d'une reproduction maladroite des stéréotypes du système. Les opprimés seraient ainsi enfermés dans les cages de fer de la domination et de leur émancipation. Et leur émancipation, qui est pourtant politiquement affichée, deviendrait en fait pratiquement impossible. Parce que cette émancipation est sans arrêt reculée et reculée sous le prétexte de la pression des ruses de la domination. C'est ce qui fait choisir à Rancière un point de vue radical, mais justement qui va nous poser problème, c'est qu'il va choisir une philosophie de l'émancipation contre une théorie critique de la domination. Il écrit bien ça dans un de ses derniers textes, Le spectateur émancipé de 2008. L'intelligence collective de l'émancipation n'est pas la compréhension d'un processus global d'assujettissement, elle est la collectivisation des capacités investies dans ces scènes de dissensus. Donc le problème de l'émancipation, ce n'est pas la connaissance des contraintes de la domination, c'est une collectivisation des capacités investies dans des conflits sociaux. Mais le problème, c'est comment parler d'émancipation si c'est pas émancipation par rapport à quelque chose. Si on s'émancipe, c'est bien parce qu'il y a quelque chose comme de la domination, ou un état de tutelle, comme dirait Kant, donc une contrainte. Bon. Et donc la domination est bien présupposée par le geste de l'émancipation. Mais pourquoi ne pourrait-on rien dire de la domination à partir du moment où c'est une émancipation par rapport à la domination ? C'est-à-dire pourquoi on ne pourrait rien dire de manière critique de cette domination ? Et donc le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres voies qui permettraient de tenir compte du problème que pose Rancière, hein, partir des capacités ou partir des incapacités, sans le suivre jusqu'au bout, c'est-à-dire sans le faire le choix de choisir la théorie de la domination contre la théorie critique, théorie de l'émancipation contre une théorie critique de la domination. Alors ici, il y a deux sociologues qui ont travaillé avec Bourdieu à un moment donné, qui ont pris leur distance avec lui, qui sont Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, qui apportent des éléments de clarification dans le débat. C'est dans le sillage d'un séminaire dans les années 80 qui a été republié dans les années en 89 sous le titre « Le savant et le populaire, misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature ». Grignon et Passeron ont mis en évidence que les approches sociologiques et littéraires d'ailleurs des cultures populaires et plus largement des cultures opprimées tendent à osciller souvent entre deux dérives. La dérive, ce qu'ils appellent légitimisme, alors ils l'appellent aussi dominocentrisme, ils l'appellent aussi misérabilisme. C'est en fait l'idée de n'envisager les pratiques populaires ou les pratiques dominées en général que hiérarchisées par rapport aux normes dominantes. Comme si les activités symboliques des dominés ne pouvaient être appréhendées que dans leur dépendance à l'égard de celles des dominants. Première dérive, légitimisme ou misérabilisme. Premier écueil. Deuxième écueil, ce qu'ils appellent le populisme, qui n'est pas exactement l'usage du mot populisme dans l'espace politique aujourd'hui, qui à l'inverse sacralise les cultures populaires comme opprimées comme dotées d'une autosuffisance symbolique et qui oublie les caractéristiques que ces cultures dominées doivent au rapport de domination dans lequel elles sont insérées. Voilà les deux dérives qui identifient Grignon et Passeron. Et selon les catégories de Rancière, on pourrait dire que le dominocentrisme et le misérabilisme part de l'inégalité et des incapacités des dominés, et que le populisme part de l'égalité et des capacités des opprimés. De ce point de vue, Grignon et Passeron rejoignent avec le premier point la critique que Rancière fait de Bourdieu et de Debord, la critique du dominocentrisme et du légitimisme. Mais le deuxième point, la deuxième dérive, populisme, se présente comme une critique implicite de Rancière, dans son refus de tout décryptage critique des contraintes pesant sur les dominés et sur leur rapport diversifié à l'émancipation. Et là, on pourrait dire que Grignon et Passeron sont plus proches de Bourdieu. À partir de là, Passeron débouche d'ailleurs dans le même texte sur ce qu'il appelle l'hypothèse de l'ambivalence significative des réalités symboliques, qui appelle une double lecture, dit-il. C'est en quelque sorte un appel à ce qu'on puisse prendre la question par les deux bouts. Par les capacités des opprimés, par leurs incapacités. Est-ce qu'on peut partir à la fois des capacités, des incapacités, des opprimés ? Bon, c'est en tout cas une question en suspens dans la critique que font Grignon et Passeron de ces deux dérives. Dans cette perspective, donc, une sociologie critique de la domination, si on pouvait partir des capacités, des incapacités, ne serait pas nécessairement un obstacle à une logique émancipatrice comme le pense Rancière. Alors deux livres récents me semblent nourrir cette perspective renouvelée qui associerait une sociologie critique à une philosophie de l'émancipation, qui partirait à la fois des capacités et des incapacités des opprimés. Premier livre, c'est celui en philosophie politique de Miguel Abensur, pour une philosophie politique critique de 2009, c'est un recueil de textes allant de 1974 à 2008, où justement dans le livre d'Abensur se croisent la tradition de la théorie critique, inspirée de l'école de Francfort, et la tradition de la pensée utopique. Et donc on a la question du lien, de la jonction entre ces deux dimensions. Le deuxième livre, là, c'est en sociologie, c'est le dernier livre de Luc Boltanski, donc de la critique, sous-titré précis de sociologie de l'émancipation, 2009, qui s'efforce, disons, de constituer un nouvel espace qui articulerait à la fois une sociologie critique de type Bourdieu et une sociologie pragmatique, c'est-à-dire le type de sociologie qu'il a amorcé dans les années 80 avec Laurent Thévenot. Et donc, une des caractéristiques est justement de reconnaître aux acteurs ordinaires des capacités, notamment des capacités critiques. Alors, sans doute la précision à apporter par rapport à ces deux tentatives à Bensour et Boltanski, c'est que l'effort d'articulation entre les deux pôles ne doit pas faire oublier la tension. Donc je reviens sur mon idée de tension de départ. La tension qui est pointée par Rancière philosophiquement, avec toujours le risque pointé par Rancière de recouvrement de la possibilité de l'émancipation par le poids de la domination. Et puis la tension pointée sociologiquement par Grignon et Passeron vis-à-vis de ces risques continuels de ressurgissement de l'écueil du misérabilisme et de l'écueil du populisme. Voilà, première étape de mon analyse, c'est une formulation générale du problème hein, à partir de cette idée de capacité et incapacité et de Rancière. Alors on va rentrer dans quelque chose maintenant, dans une deuxième étape plus spécifique. C'est ce que j'ai appelé des effets de la phrase égalitaire. Alors, dans Rancière, dans un texte de 1990, qui s'appelle « Les usages de la démocratie », qui est repris dans le recueil au bord du politique, va critiquer les deux livres de Bourdieu et Passeron, donc « Les héritiers » et « La reproduction », 64-70. Je cite Rancière, « Cette analyse porte ainsi à son extrême la pensée du soupçon, qui fait que de l'homme démocratique, l'homme abusé par les formes à travers lesquelles la division se perpétue, la division dominant-dominé. Contre cette tendance, donc, il affirme la puissance pratique et symbolique de ce qu'il appelle la phrase égalitaire. La phrase égalitaire n'est pas rien. Cette puissance est d'abord de créer un lieu où l'égalité peut se réclamer d'elle-même. Il y a quelque part de l'égalité, cela est dit, cela est écrit. Donc cela doit pouvoir se vérifier. Une pratique peut se fonder là qui se donne pour tâche de vérifier cette égalité. Donc il s'agit de ne pas aplatir trop vite les paroles égalitaires comme étant des illusions masquant les mécanismes de domination. Les paroles égalitaires peuvent avoir des effets pratiques et symboliques qui soutiennent des processus d'émancipation égalitaire. Alors, sur ce point, des éléments d'articulation sont envisageables entre Rancière et Bourdieu. Pourquoi ? Tout d'abord, la conclusion des héritiers se termine par une perspective qui est moins caricaturale que celle que lui attribue Rancière. La perspective de la conclusion des héritiers, c'est ce que Bourdieu appelle la démocratisation réelle de l'enseignement, qui suppose donc l'idée qu'il y a une fausse démocratisation et qu'il y a une démocratisation vraie, et donc qu'il y a une visée égalitaire comme un point d'appui implicite par rapport à la critique de la fausse égalité. Qui serait, elle, visée égalitaire, qui serait, elle, non illusoire. Donc, ce qui tend à montrer que, souvent, c'est le cas, si Rancière pointe un problème réel chez Bourdieu et Passeron, il tend à caricaturer la façon dont le problème est complètement traité. D'autre part, il y a une autre série de textes plus tardifs de Bourdieu qui permettent de faire des jonctions. Dans les années 80, il y a toute une série de textes de Bourdieu sur la question politique, où notamment Bourdieu va emprunter à la philosophie du langage de John Austin et va emprunter notamment la notion de performatif et va s'intéresser particulièrement aux dimensions performatives du discours politique. Je cite notamment un texte de Bourdieu de 1980 « Énoncé performatif, la prévision politique est par soi une prédiction qui vise à faire advenir ce qu'elle énonce. » Il y aurait une dimension performative dans le discours politique et il ajoute donc cette prévision politique, elle contribue pratiquement à la réalité de ce qu'elle annonce par le seul fait de l'énoncer, de le prévoir et de le faire prévoir, de le rendre concevable et surtout croyable, et de créer ainsi la représentation et la volonté collective qui peuvent contribuer à le produire. Donc en fait on peut dire qu'ici Bourdieu peut rejoindre Rancière, puisqu'il intègre tout à fait à travers cette pensée de la dimension performative du discours politique qu'il puisse y avoir des effets symboliques et pratiques de la phrase égalitaire. D'autant plus que si Rancière écrit que la phrase égalitaire n'est pas rien, Rancière ne dit pas que la phrase égalitaire est tout, bon, et qu'il n'y a pas d'inégalité. Donc là, on a un élément, disons, sur cette question des effets de la phrase égalitaire, des points de jonction. Reste toujours... Je reviens à mon idée de la prise en compte de la tension et des écueils qui peuvent tendre à ressurgir. C'est-à-dire toujours éviter que la critique des masques de l'inégalité revêtue par certains discours égalitaires n'emporte le soupçon sur l'ensemble des discours égalitaires, ce qui est toujours une possibilité. Mais en même temps, éviter que la prise en compte des effets émancipateurs des discours égalitaires oublie les usages reproducteurs de certains discours égalitaires. Bon. Et donc on est toujours dans la tension et donc pas une sorte d'articulation, de synthèse ou d'harmonie entre les deux problèmes. Donc ça c'était une deuxième étape plus spécifique, disons, autour de ce problème de la phrase inégalité. On va avoir une troisième phase plus longue parce que je vais utiliser des extraits d'entretien que j'ai fait dans deux enquêtes assez lointaines. Espacé dans le temps, j'ai appelé ça de l'allodoxia à l'ambivalence, autour de la notion d'allodoxia chez Bourdieu et chez Rentière. Alors, dans la distinction, donc ce livre de 1979, Bourdieu avance donc la notion d'allodoxia, tirée du grec ancien, allo du grec allos, autre, doxia, donc de doxa, opinion. Allodoxia pour Bourdieu, c'est une erreur d'identification, on peut dire. C'est juger avec des critères sociaux inadaptés par rapport à la hiérarchie sociale instituée. C'est une notion marquée par l'ombre de la méconnaissance, on peut dire, qui pointe le caractère malhabile culturellement de ceux qui sont extérieurs au cercle de légitimité culturelle et qui vont manifester par rapport à la culture dominante ce que Bourdieu appelle une bonne volonté culturelle. Cela vise d'abord la petite bourgeoisie, mais aussi ça vise certains secteurs des classes populaires, notamment les autodidactes. L'allodoxia, on pourrait dire, ça se présente comme une erreur d'identification et une règne de simili. L'allodoxia, c'est confondre le simili-cuir avec le cuir, c'est confondre Richard Clayderman avec la grande musique. Bon, c'est ça, l'allodoxia pour Bourdieu. Alors, à l'inverse, selon Rancière, à travers les itinéraires des premiers énonciateurs de la parole ouvrière autour des années 1830, sa thèse de La nuit des prolétaires, qui paraît en 81, cette allodoxia n'est pas ce qui condamne à l'enfermement dans les cages de fer de la domination, mais l'allodoxia, c'est justement ce qui permet d'ouvrir un processus d'émancipation. Il écrit bien ça dans un passage du Philosophe et ses pauvres, 83. Je cite, « Les premiers militants ouvriers ont commencé par se prendre pour des poètes ou des chevaliers, des prêtres ou des dandys. » Il montre bien, c'est l'intérêt de la thèse, de montrer que c'est ces premiers énonciateurs de la paroisse ouvrière qui font des traités de philosophie, qui font de la poésie, etc., bon, qui vont dans les cabarets. Donc, Rancière ajoute, allodoxie qui est la seule voie de l'hétérodoxie. Passion d'emprunt, usant des seuls mots qui rendent possible la réappropriation des mots d'emprunt. Et c'est pour ça que la démarche du sociologue critique est mise en cause par Rancière comme une sorte de maintien d'un écart éternisant avec ce qui est identifié comme une sorte de simili de l'émancipation. C'est-à-dire que pour le sociologue critique, le risque, c'est toujours que l'émancipation soit un simili de l'émancipation et que le dominé ait fait une erreur d'identification. Et qu'il soit maintenu, en fait, indéfiniment dans l'idée. Donc la posture sociologique instaurerait le soupçon de Rancière partout où se tenait l'image du partage et de l'équivoque, donc notamment dans ces militants ouvriers des années 1830. Ainsi, selon Rancière, la critique sociologique dit le règne éternel de la petite différence. Le règne éternel de la petite différence. Pour nier que le sujet de la démocratie puisse jamais advenir. Alors, pour traiter ce problème, je vais prendre deux exemples tirés d'enquête de terrain, deux extraits d'entretien tirés d'enquête de terrain. Un tiré d'une enquête ancienne, c'est un entretien que j'avais fait pendant ma thèse sur le syndicalisme cheminot. Et deux, c'est quelque chose de plus récent, un entretien fait au cours d'une enquête sur la réception de la série télévisée Ally McBeal, parmi une série de téléspectatrices françaises, une série américaine. Alors, premier exemple, c'est ce que j'ai appelé Pierre, l'infini et le mal à l'estomac. Donc ce premier exemple, tiré de cette enquête d'ethnographie d'un syndicat de cheminots dans les années 80, donc c'est un extrait d'entretien semi-directif qui s'est déroulé en avril 86. Pierre, 58 ans à l'époque, militant de force ouvrière à la retraite. Son père a commencé comme manœuvre et a fini agent de conduite dans les chemins de fer, c'était pas encore la SNCF. Lui-même a commencé avec un CAP d'ajusteur, a fait une formation maison SNCF, a commencé comme ouvrier professionnel, est devenu agent de conduite très longtemps et a fini cadre à la SNCF et prend sa retraite à 52 ans. Et il reprend ses études à la retraite. Bon. D'abord par des cours du soir à la Bourse du Travail, et puis il s'inscrit à l'université, et vers 56 ans, il obtient un DUT de communication journalisme. Bon. Donc il est en retraite. Alors voilà comment il identifie de manière critique le rapport entre l'intellectuel et l'esprit pratique, hein, en référence à son expérience dans l'université, ses 2 ans à l'université. Bon. Je cite. Alors disons que l'intellectuel pur, quoi, il y a beaucoup de vapeur. Tu vois, c'est une nébuleuse pour trouver l'idée maîtresse, l'idée qui va se concrétiser, qui va tirer quelque chose, quoi. Autrement dit, je trouve qu'ils ne sont pas assez, ils n'ont pas un esprit assez pragmatique, un esprit qui se perd avec des théories, des possibilités, avec des combinaisons. Alors non, je dis non, alors que celui qui a l'esprit pratique, il se dit, bon, ce n'est pas la peine, hein, et de suite, tu as le champ de réflexion opérationnelle qui est canalisé, et là, ça va très vite. Bon. Alors, un autre moment, d'ailleurs, il va reconnaître l'importance du travail de réflexion qu'il a eu à l'université, et il va qualifier de bénéfique sur le plan personnel ses 2 ans à l'université. Et il trouve que, il va dire que cette dimension a tendance à manquer au mouvement ouvrier, bon. Donc on pourrait dire que, pour lui, aux limitations ouvrières répondent des limitations en quelque sorte symétriques chez les intellectuels. Le danger pour l'intellectuel serait ainsi, si je reprends ces mots, de se perdre dans une multiplicité de possibilités, de combinaisons, il dit, d'où la nécessité de canaliser, pour Pierre, en fait, l'esprit pratique issu de son expérience familiale, professionnelle, militante, constitue une sorte de garde-fou contre quelque chose qu'il voit comme les vertiges de la réflexion universitaire. Et ces vertiges peuvent mener à l'angoisse et peuvent le mener, lui, à l'angoisse. Il y a donc un passage. J'aimerais regarder, alors il dit l'astronautique plutôt que l'astronomique sur le moment de l'entretien, j'aimerais regarder l'astronautique, mais ça débouche sur une réflexion sur l'infini. Alors là, je peux pas. Je perds mon équilibre psychique. Ça me tourne l'estomac. Je peux pas. L'infini, bon, mais après le couvercle d'une boîte, il y a ça. Alors il me montre une boîte à ce moment-là. Puis après, il y a le vide. Et puis après. Et mais alors, imaginez l'infini, ça ne finit jamais. Pour moi, c'est inaccessible à l'homme. Je ne peux pas. Alors non, là, je suis malade. Ça me rendrait fou, quoi. C'est vraiment un point. C'est ce qui me trouble le plus. Non. Alors, on voit bien là le rapport à l'infini, l'idée d'infini, qui est pour lui le symptôme de la dérive de ce que c'est que le rapport intellectuel. On voit bien qu'il serait facile d'interpréter de manière bourdieusienne ce passage en termes d'allodoxia. Au sens d'une erreur d'identification, il y a un rapport autodidacte au travail intellectuel. Par exemple, dans la connexion faite entre la réflexion philosophique et le mal à l'estomac. Bon. Mais on voit bien aussi que ce serait un aplatissement misérabiliste de ses expériences et de son rapport au monde manifesté ici. Si on prenait, disons, davantage au sérieux la façon dont Pierre construit un rapport singulier au monde intellectuel, on pourrait dire qu'il s'y joue aussi dans des tensions entre le pôle pratique et le pôle intellectuel, un déplacement de la hiérarchie culturelle dominante traditionnelle. Il fait un propre accrochage singulier de ce qu'il appelle le pôle pratique et le pôle intellectuel, et qui met en cause la hiérarchie culturelle dominante. On peut bien observer d'ailleurs dans des tâtonnements une logique émancipatrice qui passe par des emprunts, comme dit Rancière, aux formes culturellement dominantes. Des emprunts, il pourrait dire des métissages. On s'éloigne alors de la tendance légitimiste de la notion d'allodoxia chez Bourdieu, qui est toujours prompte à soupçonner l'authenticité intellectuelle des discours populaires, autodidactes ou petits bourgeois. Cette tendance légitimiste, d'ailleurs, peut être associée chez Bourdieu à un essentialisme de l'authenticité populaire, qui est très étonnant, c'est-à-dire qu'il cumule un essentialisme de l'authenticité populaire, c'est-à-dire l'idée que la vraie authenticité est du côté du populaire, avec en même temps l'idée que cette authenticité sera toujours en décalage avec la vérité intellectuelle. Comme si donc il y avait une essence de l'authentique dans les rapports populaires au monde, bon. Mais qui en même temps était authentique, mais en même temps toujours dominé. Bon. On s'en rend bien compte de ça dans la distinction, donc ce livre de 79, où à un moment donné il va décrire les discours des militants ouvriers, des militants syndicaux et politiques ouvriers. Et là, il dit que ces discours des militants ouvriers sont marqués par une dualité. D'un côté, les formules toutes faites, petits blocs insécables de pensées et de paroles préfabriquées, donnent aux propos leur couleur d'universalité conceptuelle, mais aussi leur air de leçons bien apprises et de cette sorte d'irréalité si caractéristique des dissertations. Donc là, on a bien l'idée que de l'emprunt faux au discours intellectuel, d'un discours préfabriqué, d'un discours inauthentique, dès que les militants ouvriers empruntent au discours intellectuel. Et de l'autre, il y a l'autre pôle de la dualité, et de l'autre, les références plus concrètes à l'expérience immédiate dans sa singularité indépassable qui confère sa réalité, sa plénitude, son authenticité au discours. Donc là, on a du côté, disons, de la pratique et non plus de l'intellectualité, l'authenticité populaire. En figeant ces deux figures, Bourdieu contribue à construire ici une différence de nature entre ce qui serait d'un côté une authenticité intellectuelle, de l'autre une authenticité populaire. On voit bien que l'approche de Rancière ici est plus souple, plus mobile, puisqu'elle reste sensible au bouger, au métissage, comme au cheminement ordinaire de l'émancipation. Mais on ne doit pas en rester là, parce que d'une certaine façon, ça serait considéré, et c'est peut-être la tendance populiste de Sommet-Critère, de Grignon et Passeron, de Rancière, si on en restait, disons, à un pays de bisounours où la domination et les contraintes n'existent pas. Donc comment intégrer une part de vérité de la critique sociologique des contraintes de la domination, sous peine de suivre la pente populiste, qui rendrait mal d'ailleurs d'autres aspects des caractéristiques de l'expérience de Pierre et de son discours. Ce discours d'ailleurs de Pierre intègre d'une certaine façon les contraintes de la domination, on le verra tout à l'heure avec les chansons. Dans son discours, il y a à la fois aussi de la distance et de la révérence dans son rapport au monde intellectuel. Et Pierre, à plusieurs reprises, va se considérer volontiers comme malhabile vis-à-vis des ressources intellectuelles qui ne sont pas son monde d'origine. Et donc, la coupure initiale des deux mondes est bien ressentie dans son discours. C'est pas l'idée que c'est le même monde. Et puis l'angoisse physique face à l'infini, qui pour lui est le symptôme, la cristallisation de ce que c'est que la réflexion intellectuelle, constitue, on pourrait dire, une marque dans son corps des écarts initiaux entre son monde social d'origine et l'univers intellectuel. Et là, Bourdieu nous apporte des choses, justement, notamment dans un passage des méditations pascaliennes, donc là c'est un de ses derniers textes, 97, où il va bien mettre l'accent sur l'importance du corps dans le rapport aux normes dominantes et aux univers sociaux les plus éloignés. Il note ainsi que cela, dit-il, prend souvent la forme de l'émotion corporelle. Honte, timidité, anxiété, culpabilité. Il ajoute, elle se trahit dans des manifestations visibles comme le rougissement, l'embarras verbal, la maladresse, le tremblement, autant de manières de se soumettre, fût-ce malgré soi, et à son corps défendant, au jugement dominant, autant de façons d'éprouver dans le conflit intérieur et le clivage du moi, la complicité souterraine qu'un corps qui se dérobe aux directives de la conscience et de la volonté entretient avec la violence des censures inhérentes aux structures sociales. Donc là, on retrouve la question de la domination qui s'inscrit dans les corps et dans des éléments non contrôlés, disons, du corps. On pourrait dire alors que, d'un côté, les emprunts et les métissages émancipateurs, d'autre part, les contraintes incorporées des dominations, notre problème, c'est bien de ne pas rabattre l'un sur l'autre pour appréhender ce que, justement, Passeron appelle l'ambivalence. Et donc, en assumant la tension entre les deux. Alors, pour continuer à travailler un peu ça, je prendrai un deuxième exemple, ce que j'ai appelé, à tirer d'une autre enquête, Dominique, Ali McBeal et leurs mots à eux. Donc c'est un exemple qui sera un peu plus court. Donc il s'agit aussi d'un entretien semi-directif, là c'est en mai 2003, prélevé dans une enquête sur la réception en France d'une série télévisée américaine, Ali McBeal. Dominique, donc l'interviewé, a 39 ans au moment de l'entretien, les femmes de ménage pour des personnes âgées depuis peu. Elle travaille depuis peu, puisqu'elle a toujours vécu avant sa vie adulte d'aide sociale, donc sans être salariée. Elle a connu une situation sociale difficile dès l'enfance, au sein d'une famille nombreuse qui était proche de la pauvreté. Elle a eu 4 enfants de pères différents, qu'elle a dû élever presque seule. Sa fille aînée, la première de la lignée familiale depuis très longtemps, à avoir eu le bac. Elle a connu plusieurs compagnons, dont un compagnon alcoolique et violent qu'elle a quitté. Elle a aussi été quittée. Elle se situe clairement à gauche, mais ce monde compréhensive à l'égard des discours du Front National. Alors, elle s'est identifiée au personnage d'Ali McBeal, donc de la série, l'héroïne de la série, qui est un peu éloignée de son parcours social. C'est une avocate bostonienne d'une trentaine d'années, bon, assez à l'aise dans la vie, disons, aisée. Pourtant, donc, avec un éloignement du milieu social. Alors, je cite un passage. « Peut-être il y a un cheminement qui a fait que je me suis senti peut-être proche d'elle, dans le sens où, quand on cherche quelque chose dans la vie, on le cherche jusqu'à ce qu'on le trouve. » Et elle précise le côté un peu utopique de l'amour, parce qu'elle recherche un peu l'amour aussi, l'homme de sa vie, où elle fait des essais comme ça. Donc elle assimile, disons, sa recherche des essais aux essais d'Ali McBeal. Et comme elle se sent démunie culturellement, le feuilleton l'aide alors à verbaliser et intellectualiser ses propres émotions. Elle dit « Ça traduit un peu mes sentiments, mais eux, ils ont les mots que moi, je n'ai pas en fait. Ça traduit un peu mes sentiments, mais eux, ils ont les mots que moi, je n'ai pas en fait. Donc la série constitue une ressource pour se construire une vie malgré les difficultés, les échecs, hein, les difficultés sociales, les échecs sentimentaux successifs chez elle. Bon. Elle ajoute, l'idéal, je pense que ça aide à avancer dans un sens, enfin d'avoir un but, c'est plutôt que je pense que ça sert d'avoir un but, de ne pas baisser les bras. Et tant qu'on a cet idéal, on avance. Donc ça donne une sorte de ressource dans un mouvement dynamique, bon, le rapport à la série, au personnage préféré de la série. Là aussi, on a des emprunts, leurs mots à eux, qui servent de traduction, qui alimentent une logique émancipatrice et qui invitent à ne pas aplatir trop vite l'expérience sur l'aliénation et sur l'intériorisation de la domination. On imagine tout de suite une analyse, hein, de type théorie critique, de type Francfort sur ce passage. On regardait ces gens aliénés, abrutis par les séries télévisées américaines qui sont standardisées par la pensée américaine, etc. etc. Voilà, lisez Le Monde Diplomatique et Anko, et vous verrez, ils ont ce type de pensée, bon, de pensée dite critique. Bon. Là aussi, donc, on a des emprunts. Mais les inégalités culturelles, une certaine déposition, sont présentes aussi, déjà dans le discours, de manière larvée, dans la conscience. Les mots que moi je n'ai pas, les mots que moi je n'ai pas. Donc on a d'une part des emprunts émancipateurs, et d'autre part on a des sentiments de l'inégalité, de l'expérience de l'inégalité et de la dépossession. Les deux sont présents. Bon. Donc là aussi on est confronté à l'ambivalence, bon, par rapport auquel on pourrait dire, par rapport auquel les mots de Rancière et les mots de Bourdieu apparaissent avoir chacun une part de vérité, bon, par rapport à cette ambivalence de l'expérience. Alors là, ça peut être intéressant de nous arrêter sur les figures de l'émancipation qui sont privilégiées par Rancière et par Bourdieu. Parce qu'il y a aussi une figure de l'émancipation chez Bourdieu. Alors chez Rancière, c'est plus net puisque c'est au cœur de sa philosophie. En fait, on peut dire que pour Rancière, la figure de l'émancipation consiste en quelque sorte en un franchissement de la division sociale dominant-dominé par des emprunts aux univers dominants qui établissent la possibilité d'une inégalité entre des univers sociaux qui sont marqués par l'inégalité. Donc on établit par ces franchissements la possibilité de l'égalité. Je cite Rancière dans son livre, dans son grand livre de philosophie politique, La Mésentente, 1995, lorsque la logique supposée naturelle de la domination est traversée par l'effet de cette égalité. Lorsque la logique supposée naturelle de la domination est traversée par l'effet de cette égalité, c'est ça l'émancipation. Et donc, l'émancipation a à voir aussi avec ce qu'il appelle dans Le Spectateur émancipé le brouillage de la frontière. Le brouillage de la frontière. Alors, évidemment, on a vu comment Bourdieu tend à figer la frontière, d'une certaine façon. Donc voilà la figure de l'émancipation privilégiée par Rancière. Il y a aussi des pistes sur l'émancipation chez Bourdieu, elles sont plus marginales, puisque Rancière c'est le thème principal, elles sont moins visibles dans l'économie de sa sociologie. Mais c'est des pistes qui sont empruntées au schéma de la libre nécessité chez Spinoza. Donc l'émancipation aurait principalement à voir avec la connaissance de ses propres déterminismes. C'est l'idée que la liberté, donc ce n'est pas l'illusion du libre arbitre, c'est la connaissance de ses propres déterminations. Et pour Bourdieu, c'est la connaissance à l'échelle collective de la société et à l'échelle individuelle pour chaque sujet. Donc il y a une émancipation possible, c'est la connaissance de ses déterminismes sociaux, individuellement et collectivement. Alors, ces deux figures de l'émancipation ne sont pas nécessairement exclusives l'un de l'autre. On peut d'ailleurs penser que dans le cas de Pierre, comme celui de Dominique, que les emprunts émancipateurs peuvent s'enrichir d'une connaissance des déterminismes. On pourrait dire peuvent s'enrichir d'une connaissance déculpabilisante des limitations auxquelles chacun va se cogner dans la vie. Bon. Ici, il y a un passage intéressant dans le post-scriptum de La misère du monde, 93, de Bourdieu, ce livre collectif qu'il a dirigé. Bourdieu parle de la possibilité d'imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpé. La possibilité d'imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpé. On ne voit pas quelque chose là qui enferme dans la logique de la domination, mais c'est la connaissance sociologique des déterminismes a un effet de déculpabilisation par rapport à l'idée c'est de ma faute si je suis dans la merde, si je suis au chômage, si etc. C'est de ma faute. Là, le fait de l'associer à des causes sociales, ça a un effet de déculpabilisation. Et donc, on voit bien ici que cet effet de déculpabilisation peut tout à fait se connecter aux emprunts émancipateurs de Rancière. Bon. Ce n'est pas antagoniste a priori. Mais il faut toujours avoir en tête que cette connaissance n'engloutisse pas l'ensemble de l'expérience, la connaissance des déterminismes. Il ne faut pas qu'elle engloutisse dans une sorte de dynamique de soupçon généralisé. Bon. Et donc toujours ce problème de la tension. Alors, pour travailler sur un autre registre ce problème, on va passer au registre, disons, au jeu de langage chansonnier. Et donc, c'est ma dernière partie. Donc on écoutera la chanson, puisque écouter la chanson dans une chanson, ça fait partie du jeu de langage. Si on est Wittgensteinien, j'ai intitulé ça « Et si tout finissait en chanson ?» Donc on va avoir une chanson de Michel Jonas et une chanson d'Alain Souchon. Alors on va voir que c'est pas, on va pas retrouver la sociologie critique de Bourdieu et la philosophie politique de l'émancipation de Rancière, mais on va voir dans un autre registre, qui est le registre chansonnier, la façon dont des questions qu'on a traitées jusqu'à présent sont traitées là-dedans. Alors, la première chanson, donc, c'est une chanson de Michel Jonas, « Les vacances au bord de la mer », 75. Donc, les paroles ne sont pas de Jonas, c'est celui qui a fait la musique, les paroles sont Pierre Grosse. Et puis après, je vais un peu commenter. Cette chanson, on a bien l'expérience de l'inégalité, hein, du manque en fait, de la limite, de ce qui manque, hein, on ne serait-ce qu'en termes, disons, matériels. Bon, on a les contraintes, on a l'inégalité, on a bien les incapacités. C'est bien, la contrainte est bien, rend bien incapable de faire une série de choses, la contrainte sociale. Bon. Donc on y en a bien, et donc on est plutôt proche de la sociologie critique ici. Hein. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens, comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention. Quand on avait payé le prix d'une location, il ne nous restait pas grand-chose. On a l'expérience du manque, de l'incapacité. Et d'ailleurs, ce spectacle désenchanté du poids de la domination n'est pas réservé aux sociologues, puisqu'il est aussi celui des acteurs ordinaires. Hein. Ils participent du rapport ordinaire au monde. Alors on regardait les bateaux, on suçait les glaces à l'eau, les palaces, les restaurants ne faisaient que passer devant. Donc ce spectacle qu'on trouve dans la sociologie critique, il n'est pas réservé à la sociologie critique. Il fait partie de l'expérience ordinaire de la domination. Pourtant, ce poids des incapacités ne tend pas à occuper tout l'espace, contrairement, disons, aux visions domino-centrées. Tout d'abord, premièrement, parce qu'il peut être mis en parole critique. C'est-à-dire que dans l'expérience ordinaire, avec des formes ordinaires, il y a une distance critique qui est instaurée. Il est mis en parole critique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le poids tout puissant de l'aliénation à cause de ces paroles critiques. Bon. Mais aussi parce que l'expérience est dotée d'ambivalence. Bon. On pourrait dire qu'il y a des petits bonheurs qui restent nostalgiquement gravés, et petits bonheurs d'ailleurs qu'on voit bien que les déplorations misérabilistes sur l'aliénation, la domination généralisée ne pourraient avoir que mépris pour ça. Ça serait balayé par ce mépris misérabiliste. Bon. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs, ou quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles, tout ça serait balayé par le discours, disons, critique. Et même à certains moments, on peut dire qu'il y a un moment donné où la tension entre incapacité et capacité, entre impossibilité et possibilité, entre rancœur et bonheur, est directement palpable dans le même moment. C'est-à-dire que on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. On avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. Dans le même moment, on a la tension entre les deux éléments. Bon. Ça rejoint d'ailleurs un débat entre Rancière et Bourdieu sur la question esthétique. Un des aspects dont je n'ai pas parlé, c'est justement que Bourdieu va rejeter, disons, le populaire du côté d'une esthétique qui est toujours contaminée par la domination. Bon. Alors que pour Rancière, il y a possibilité d'un plaisir esthétique. Donc c'est là-dessus qu'il va rejoindre Kant. Bon. Et là, on voit que les regards sur les bateaux incluent indissociablement un plaisir et un manque en même temps. Il y a le manque et il y a le plaisir en même temps. Bon. Il y a le plaisir esthétique et il y a le manque en même temps. Bon. Dans une ambivalence, dans une tension, bon, dans les mêmes paroles. Bon. Et donc, on pourrait dire que la chanson de Jonas, à la différence de Rancière, ne cherche pas à purifier l'émancipation de l'ombre portée de la domination. Parce que c'est ça que fait Rancière, c'est de purifier l'émancipation de l'ombre portée de la domination, parce qu'elle risque de tout contaminer et d'empêcher l'émancipation. Et à la différence de Bourdieu, il n'aplatit pas trop rapidement les ressources émancipatrices sous le bulldozer de la domination, bon, en les prenant au sérieux. Bon. Donc on a, évidemment, on retrouve des choses qu'on a traitées sous un autre registre, bien sûr, des choses qu'on a traitées tout à l'heure. Donc c'est en quelque sorte une invitation chansonnière à partir des capacités comme des incapacités des opprimés, à renouer émancipation et critique de la domination. Et sans doute sur le plan pratique, à assumer l'ambigu, l'impur, le composite. Bref, les tensions de l'expérience et la difficulté, tant de Bourdieu que de Rancière, d'assumer l'ambigu et le composite, en fait. La deuxième chanson est plus connue, parce qu'elle est plus récente, c'est celle d'Alain Souchon, Foule sentimentale, et donc on va voir ça. Ça va traiter aussi des questions. Bien, donc là, on a aussi ce rapport entre, disons, théorie critique de la domination et émancipation. D'ailleurs, on est plus proche dans la façon de... Le contenu, plus que de Bourdieu, on est proche, disons, de la théorie critique de l'école de Francfort, de la critique des industries culturelles, ou de la critique de la société de spectacle de Guy Debord. C'est plus ce pôle-là qui dans le contenu même, mais dans le geste de la critique, on se rapproche de ce que j'ai dit. C'est bien le problème du rapport entre domination et émancipation. Donc, il y a cette théorie critique, hein, oulala, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous ferait croire que le bonheur, c'est d'avoir, de l'avoir plein nos amours, dérision de nous dérisoire. Ou encore, on nous inflige des désirs qui nous affligent, on nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né pour des cons alors qu'on est des... Donc là, on a une théorie critique des contraintes de la domination qui est à travers, disons, la marchandisation, hein, capitaliste, bon, comme contrainte. Bon. Mais, on, dans un premier temps, on n'est pas du côté de Rancière, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à thématiser les pièges et les contraintes de la domination. Ouais. C'est verbalisé, c'est énoncé. Bon. Mais ce qui a introduit, c'est un décalage entre les attentes des acteurs ordinaires et les contraintes, et les réponses, disons, dominantes, hein, entre, disons, les attentes et la commercialisation des désirs. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Donc il y a un décalage entre les attentes et les réponses dominantes, commerciales, disons, marchandises. Et donc, la critique de la domination n'est pas calée sur l'oubli de l'activité, de la dignité et des raisons propres des dominés. Elle n'est pas niée, mais elle n'est pas basée sur l'oubli de ses capacités. Et dans une accroche qui est proprement linéaire, le nous est intéressant parce qu'il permet d'identifier la critique comme auto-ironie qui dote l'ensemble des individus ordinaires de capacités critiques. Le nous. On voit bien que c'est le problème avec, j'ai parlé tout à l'heure, l'instituteur socialiste. L'avant-garde de révolutionnaires léninistes, la féministe des années 70 face à la femme voilée ou la prostituée, ou le prophète écologiste décroissant, ils disent pas nous, c'est eux, parce que c'est eux qui sont aliénés, et c'est à eux que je vais essayer de mettre les bonnes idées dans la tête parce qu'ils ont les mauvaises. Bon. Et donc, on a le nous change complètement le rapport. C'est nous qui avons des capacités critiques par rapport même à la question, aux contraintes de la domination. Et ces capacités critiques ont été dotées la communauté des individus ordinaires, qui est une sorte d'auto-ironie, donc, critique, elles pointent aussi des faiblesses communes, elles ne pointent pas que des capacités, elles pointent aussi des incapacités. Dérision de nous dérisoire, dérision de nous dérisoire. Elles pointent les capacités et les incapacités de la communauté des individus ordinaires. Et donc l'auto-ironie peut être conçue comme... participant d'un mouvement d'émancipation. La critique, alors, se fait, on pourrait dire, compréhension. Elle relève un décalage entre les individus ordinaires et la domination, et les ruses de la domination, notamment la ruse de la domination marchande, ne sont pas toutes puissantes, puisqu'il y a ces décalages. Il y a un ailleurs possible qui est maintenu par rapport à la domination, hein, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Et ça dote la logique émancipatrice d'un repère au-delà de la domination existante. C'est sans doute dans un registre proprement chansonnier, c'est sans doute ce qu'il y a de plus proche de la philosophie politique de Miguel Abensur, c'est-à-dire cette articulation entre utopie et théorie critique. Donc on a là, sous une forme chansonnière, quelque chose qu'on pourrait appeler en sciences sociales une posture à la fois critique et compréhensive. Critique et compréhensible, qui serait ajustée à l'ambivalence de l'expérience, avec une tension entre critique et compréhension, donc entre une théorie critique à la Bourdieu, mais c'est plus large, et une philosophie émancipatrice à la Rancière, qui est toujours tendue entre incapacité et capacité. Voilà, alors au bout de ce parcours que j'ai voulu théorique, empirique et chansonnier, je vais être assez court sur la conclusion. Donc, Mon problème, je reviens au départ, ça a été d'essayer de reformuler des logiciels de la critique sociale et de l'émancipation aujourd'hui, dans des interférences et des tensions entre la sociologie de Bourdieu et la philosophie de Rancière. Il me semble que la question politique s'en trouve éclairée un peu autrement, notamment parce qu'elle oblige, dans un sens proudhonien, à prendre à bras-le-corps les antinomies, plutôt que de purifier, bon, d'une certaine façon. Par ailleurs, et ça c'est un problème, disons, de d'épistémologie, les va-et-vient entre Bourdieu et Rancière ont permis de recourir d'une certaine façon à la démarche antidogmatique qu'a formulé Jean-Claude Passeron dans un texte qui reste toujours intéressant de 1982, qui s'appelle, dans la Revue française de sociologie, qui s'appelle « L'inflation des diplômes, remarque sur l'usage de quelques concepts analogiques en sociologie », où Passeron a invité à faire travailler les théories et les concepts, comme il dit, dans leur adéquation comme dans leur inadéquation au processus étudié. Évidemment, le dogmatisme, c'est de ne travailler les concepts d'un auteur que dans l'adéquation au phénomène étudié. Et ce que dit Rancière, Passeron, c'est que quand on travaille l'inadéquation d'un auteur au processus étudié, bah, ça nous fait réfléchir aussi. En fait, donc, l'auteur nous apporte dans ces inadéquations aussi. C'est-à-dire la richesse des apports théoriques de Bourdieu et de Rancière apparaissent aussi dans leur inadéquation, c'est-à-dire dans leurs limites, dans leurs écueils, qui s'éclairent d'ailleurs par leurs interférences et leurs tensions mutuelles, et qui font progresser aussi nos réflexions et nos analyses, c'est ce qui fait qu'évidemment que ce que j'ai fait là, ça n'a rien à voir ni avec le bourdieusisme, ni avec le rancierisme. Voilà. Je terminerai là-dessus. Bien, merci beaucoup Philippe. Votre conférence est assez substantielle. Je pense que c'est une bonne manière de construire effectivement le problème de la domination et de l'émancipation en confrontant jusqu'au bout, sans concession d'ailleurs, les thèses de Bourdieu et de Rancière. Il nous reste trois quarts d'heure de discussion, donc la parole est à vous. Qui veut poser la première question? J'aborde le principe parce que ma question c'est sur ta méthode que tu as dit dès le départ. Retour à Proudhon, examiner en théorie et en expérience l'antinomie du contraire. Il s'est bien développé sur les points de vue de la musique, mais la question c'est la portée de cette méthode, pour moi, sans la conclure. Parce que la tension des contraires, ça marche bien sur les conflits culturels, ça marche bien sur les tensions réflexives. Les entretiens que tu as cités et commentés, c'est des tensions réflexives, comme on dirait, on pourrait lire la hire, par exemple. Mais la tension, en termes référentiels, je pensais à les tensions paradigmatiques. La science n'est pas totalement pure, il y a des paradigmes qui la structurent autour de méthodes, de questions centrales. Mais comme il y a une science dominante par une science dominée, il y a des tensions. Et chaque scientifique doit résoudre ou être pris dans les tensions. Et la sociologie, pour certains, a son rôle dans ces tensions. Mais tu n'en es pas là, tu es dans les tensions réflexives. Ça débouche très bien sur des études de culture, cultural studies, Stuart Hall, le rôle du métissage. Là où tu es plus performant, c'est comment chaque individu du populaire, c'est les études, et sur des points de vue ambivalents, il peut mélanger les points narratifs, il va se faire et son positionnement, et son imaginaire, et son utopie, qui sont des exemples de chacun. Par contre, là où je vais retourner ta conclusion, c'est la tension analytique. C'est vrai que ça peut être fructueux en sociologie d'examiner une ambivalence, une culture, un point de vue réflexif. Même là où tu es très fort, c'est la trajectoire imaginaire, symbolique, imaginaire, codification. Là, c'est un point de vue central dans la philosophie et la sociologie. Mais la tension analytique peut aussi déboucher sur une torsion analytique. C'est-à-dire que tu ne stabilises aucun point de vue, ton point de vue est retourné. Je te poserai la question politique d'aujourd'hui. On peut être tous libéraux, culturels ou politiques, mais il faut accepter la discipline budgétaire. Ça, c'est une torsion analytique qui est reconstruite. Alors, est-ce que c'est un rapport dominant ou dominé? Donc, quelle est la portée de ta méthodologie? Tension, surtout la tension analytique, elle risque d'être déstabilisée assez vite. Et le dit populaire, dominant, dominé, qui a l'incapacité, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, il a pas besoin du politique. Mais si on prend une question à la fois, d'accord, facile, okay. En fait. Donc, en fait, bon, je réfléchis au fur et à mesure hein, de. Il y a deux niveaux de tension. Peut-être trois niveaux. Il y a les tensions de l'expérience telles qu'elles peuvent apparaître, disons, mais de manière non verbalisée. donc pas nécessairement réflexives, bon, ça existe, donc, je les traite d'une certaine façon aussi, mais elles ne sont pas présentes là, mais qu'on peut saisir dans l'observation. C'est par exemple, si on prend les mouvements sociaux depuis 20 ans, une grande partie des mouvements sociaux passent leur temps à défendre des grandes institutions bureaucratiques comme les retraites et la sécurité sociale. Et en même temps, dans ces mouvements sociaux, à d'autres moments, on dit que la représentation, la délégation et les institutions, c'est mal. Mais pourtant, cette tension apparaît rarement dans les discours. Ces deux éléments juxtaposés, donc c'est l'observateur extérieur qui va dire, ben là, il y a une tension entre deux moments. Là, à un moment donné, on est... le plus intéressant pour moi, c'est une banderole dans une manifestation à Nîmes de la CNT qui réclamait plus de fonctionnaires. Alors pour moi, évidemment, pour moi, c'est la torsion maximale, parce qu'en même temps, quand je demandais aux camarades de la CNT, est-ce que c'est pas contradictoire ? Mais non, la question ne se posait pas, donc elle n'avait pas été réflexive. Donc il y a cette tension dans l'expérience. Bon, il y a des tensions. Après, il y a des tensions réflexives, alors, au niveau soit de ce que Giddens appelle la conscience pratique, soit la conscience réflexive complètement, parce qu'il y a des éléments d'apparition de la tension qui ne sont pas complètement verbalisés. Bon. Dans les entretiens, c'est entre les deux, souvent. Et puis, il y a le niveau de réflexivité, disons, maximale, disons, de philosophie, des sciences sociales, etc. Ça veut dire que j'intègre bien l'idée que ce n'est pas les mêmes registres. C'est-à-dire que pour moi, ce qui se passe dans la vie ordinaire et dans les réflexions ordinaires, ça a à voir avec ce qui se passe aussi dans les sciences sociales. C'est pour ça que j'ai dit que cette expérience, même la verbalisation des contraintes de la domination, que certains sociologues pensent avoir la monopole, ça n'a pas de sens parce que c'est déjà présent dans la vie ordinaire. Seulement, évidemment, on voit bien que dans la vie ordinaire, dans les chansons et dans un livre de sociologie, c'est pas le même registre. C'est pour ça que j'utilise cette idée de jeu de langage ou jeu de connaissances qui sont adossés à des formes de vie, d'activités différentes, avec des intersections. Mais donc, c'est pour montrer qu'il y a différents niveaux. Bon. Et c'est à partir de là qu'intervient peut-être l'idée de la tension analytique. Parce que la tension analytique, elle est au niveau de la théorie, de la théorie sociologique. Alors, la façon dominante de penser la question, je pense, il y a, moi, la façon dont j'ai appris les choses, je pense, j'ai découvert Proudhon il y a, je sais pas, moins de 10 ans, grâce à des amis anarchistes, et ça m'a un peu perturbé fortement. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que dans mon vocabulaire, j'avais sans arrêt l'idée que la bonne théorie, c'est celle qui dépasse les contradictions. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que dans mes textes, j'étais souvent dépassé. Et que je voyais ça chez Bourdieu aussi. Il y a Marx, il y a Durkheim, il y a Weber, et puis après il y a Bourdieu, c'est-à-dire c'est un dépassement, et tout le monde pense les choses comme ça. Et avec donc un espace qui harmonise, hein, donc il n'y a plus de tension, qui harmonise. Et alors après, en réfléchissant comme ça, je me suis dit, mais en fait, en retravaillant sur Weber, sur Durkheim et sur Marx, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'il a oublié Bourdieu d'intéressant chez Marx et Durkheim et chez Weber ? Donc ça veut dire que, en fait, dans la fameuse synthèse ou dans le dépassement des contradictions, en fait, il y a des tas de choses qui ont été éliminées, etc. Bon. Et donc, parce qu'on a purifié autour d'un espace. Parce que l'idée, c'est d'avoir un espace, disons, homogène. Bon, et ça, c'est la façon. On construit une théorie cohérente de manière systématique. Je pense que c'est le style dominant de théorie, c'est ce que j'appelle le style systématique ou totalisant, qui garde un lien avec la catégorie philosophique de totalité, qui est encore, je sais pas, chez Marx c'est compliqué, mais un peu chez Marx, et plus chez marxiste que chez Marx, qui est encore chez Bourdieu, mais pas seulement, par exemple, c'est encore le cas dans la façon dont Thévenot construit la sociologie pragmatique, il la construit de manière systématique et totalisant, unifiée comme ça. Et puis il y a un autre style de théorie, à mon avis, que j'appelle artisanal ou pragmatique, qui est en fait celui notamment qui a commencé avec l'idée de boîte à outils, mais ça existait avant, mais il me semble que Foucault l'a mieux synthétisé que les autres, c'est-à-dire qu'il s'agit de construire des problèmes, d'aller chercher des outils, etc., de ne pas chercher à intégrer dans un ensemble, de poser le problème à travers aussi des tensions et des antinomies, sans se poser le problème de l'articulation. C'est heuristique. Oui, et donc ça a un aspect dynamique. Et alors, mais évidemment, ça apparaît moins valorisé dans l'espace de la théorie, parce que la vraie grande théorie, elle n'est pas comme ça. Bon. C'est un peu la façon dont travaille les choses dans son dernier livre, Boltanski, parce qu'il construit plus un problème qu'il apporte vraiment un système, bon, un nouveau système, une nouvelle théorie. Bon, alors, donc c'est... Je dis pas que c'est la. Je vois bien tout ce que les théories dites totalisantes ou systématrices ont apporté en philosophie, en sciences sociales, etc. Donc c'est pas. Il me semble qu'il y a une autre voie à explorer. Et que donc, en pensant à travers un espace de tension, de contradiction, et donc en pensant comme Grignon et Passeron aussi des écueils, des dérives, etc., c'est une façon de construire un objet qui est un peu différente. Bon. Et auquel qui n'aboutit pas à un système théorique au sens d'un système philosophique aussi. Hein, bon. Donc voilà, il me semble que voilà, là il y a une piste intéressante dans le, comme style de théorie en fait. Bon. Et que je n'ai découvert que tardivement parce que j'ai longtemps, mais sans le savoir, j'ai été sous l'hégémonie de ce style. Pour moi c'était ça la théorie. Bon. Et donc l'autre n'existait pas. Et donc d'ailleurs, j'ai eu longtemps du mal avec cette histoire de boîte à outils de Foucault, etc. Parce que je me disais, mais c'est pas sérieux. En fait, la théorie sérieuse, elle n'est pas comme ça. Bon, donc voilà. Donc voilà à peu près comment je vois les choses, hein, comme une autre façon de concevoir la théorie, comme un autre style de théorie en sciences sociales. Bon. Donc ça revient un peu à la première question. Dans votre boîte à outils et notamment dans votre processus d'enquête, est-ce que vous gardez de la théorie bourdieusienne l'appareil ou l'outil des dispositions ? Alors, je vous pose la question parce que là, en vous écoutant, je pensais à l'ouvrage de Cyril Lemieux que certainement vous classeriez peut-être dans la catégorie des tentatives de totalisation, systématisation de la discipline. L'entrée de Lemieux dans Le Devoir et la Grâce est vraiment différente, mais j'ai l'impression que l'ouvrage est travaillé aussi par les questions que vous posez, d'une façon qu'il formule de manière très épistémologique. Et justement, en fait, ce qui est intéressant chez Lemieux, c'est que, enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fin, il revient sur l'idée que si la sociologie pragmatique renoue avec la dimension explicative, il faut absolument renouer avec. La question des dispositions. Et du coup, je me demandais justement si. Parce que quand vous avez décrit en fait vos entretiens, vous avez dit, voilà, il faut faire attention, notamment à travers la description des émotions que j'ai trouvé très intéressante, vous avez dit, il faut voilà, être attentif à la manière dont les normes sont incorporées dans les corps. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut à un moment donné peut-être décrire des dispositions. Et du coup, est-ce que ça ne reconduit pas l'éternelle question de la rupture épistémologique enfin, voilà, c'est, du coup, c'est, la question que je vous pose, c'est comment... est-ce que vous avez besoin de cet outil-là en particulier? Est-ce que c'est un outil qui peut justement faire l'objet d'un usage très instrumental? Est-ce qu'il véhicule une épistémologie derrière lui qui est assez lourde? J'ai essayé de. Le livre de Cyril, j'ai essayé de faire une synthèse des problèmes actuels de la sociologie pragmatique. Je pense à un texte qui est sur le site de l'Université de Louvain pour un séminaire où je pose tous ces problèmes, les problèmes des rapports entre Boltanski et Lemieux, etc. Bon. Donc j'essaie de. Et avec. Comme j'ai travaillé pendant 20 ans dans ce cadre. J'essaie d'avoir un rapport auto-ironique et donc avec mon style, tout le parcours est orienté par le cimetière des éléphants d'Eddie Mitchell. C'est-à-dire que c'est une analyse auto-réflexive des problèmes théoriques posés par la sociologie pragmatique et accompagnée d'Eddie Mitchell. Bon. Et il y a un aspect que vous avez souligné, c'est bon. Évidemment, je me sens extrêmement éloigné. Et c'est le problème d'Eddie Mitchell, c'est le problème de la fille Mentalo avec sa mégalo. C'est-à-dire que la sociologie pragmatique a constitué historiquement, parce que moi j'y ai travaillé depuis 84 jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, oui, 2002. Donc toute l'élaboration des économies de la grandeur, etc. Ça a produit la mégalo de la fille Mentalo, c'est-à-dire que, comment dire, dans la chanson d'Eddie Mitchell, on a une fille, donc qui est une prostituée, et qui est en train de jouer au flipper, qui se rêve à Hollywood. Bon. Et alors, si on prend cette métaphore, on peut dire que dans la sociologie bourdieusienne, il y avait le patron, comme dit Boltanski dans un livre précédent. Et alors, tout le monde était autour du flipper du patron. Bon. Et dans le bistrot de la sociologie bourdieusienne, il y a un patron, il y a tout le monde autour du patron. Alors, évidemment, il y a une révolution pluraliste dans la sociologie pragmatique. C'est chacun a son flipper. Et alors, chacun fait le système théorique qui bouleverse les sciences sociales et qui crée la nouvelle théorie totalisante qui va embrasser tous les problèmes. Et le nouveau modèle... Alors, il y en a plein, hein, il y en a plusieurs, etc. Celui de Thévenot, c'est pas celui de Cyril, etc. Évidemment, et ça a un côté un peu... C'est pour ça que je pense que l'auto-ironie est meilleure dans ces cas-là, parce que le niveau de mégalo qu'a atteint les égaux dans la sociologie pragmatique, au vu de ses résultats empiriques et théoriques, prête à sourire surtout. Bon, voilà. Alors, il y a cet aspect. Bon. Alors, il y a l'aspect plus sérieux. Si on enlève ce dépouille de cette mégalo, du livre de Cyril de cette mégalo, c'est-à-dire, je vais reconstruire toutes les sciences sociales avec un cadre qui va engobler toutes les sciences sociales et qui va être le nouveau paradigme. C'est un peu ça, hein, le devoir et la grâce. Bon. Si on sort de cette mégalo, il y a toute une série des questions, disons, techniques, alors qui sont intéressantes. Bon, alors, si on dépouille de sa mégalo, il y a des questions techniques. Alors. Et c'est vrai que la question des dispositions, c'est là-dessus que j'ai une divergence avec Boltanski. C'est dans De la critique, Boltanski, sans doute toujours en voulant garder une sorte de distance à l'égard de la notion d'habitus, élimine de la réflexion les dispositions. Et donc va expliquer les formes, disons, de reproduction du monde social à travers ce qu'il appelle le réalisme des acteurs. C'est-à-dire, dans leur expérience, les acteurs se rendent bien compte qu'on ne peut pas bouger les épreuves comme on veut, etc. Et que donc il y a un effet de réalisme, et c'est cet effet de réalisme qui est le principal, c'est pour ça qu'il y a un élément intéressant où il va critiquer l'idée d'idéologie dominante, et il fait l'hypothèse que peut-être l'idéologie dominante, c'est simplement une idéologie qui vise à intégrer les classes dominantes et les élites dominantes, mais ça n'a pas tellement d'effet sur les dominés. Et que c'est pas ça qui explique l'effet sur les dominés. Bon. Donc là, il y a des pistes intéressantes. Mais, à mon avis, le réalisme ne suffit pas à rendre compte de toutes les formes de... Pas cette idée d'idée dominante que les gens répètent les phrases de l'idéologie allemande avec l'idée que, par exemple, que les plus dominés auraient dans la tête les idées du management, etc., etc. Ce qui est stupide parce qu'on fait le moindre entretien avec des gens ordinaires et on voit bien que ça n'a aucun rapport et que les gens et que c'est plus on monte dans la hiérarchie sociale et plus les catégories managériales, etc., sont partagées, mais que plus on descend dans la hiérarchie sociale et moins ça a de sens. Bon. Donc ça n'a pas de sens. Mais qu'il y a du fatalisme lié aussi à des façons pour le corps de se conformer à des choses qui travaillent le corps et dont l'idée, l'hypothèse simplement de réalisme, d'une sorte de conscience totale et du réalisme ne rend pas compte. Donc, et il me semble que là, la notion de disposition peut être intéressante. Voilà, c'est pour ça qu'il me semble, oui, que la notion de disposition ne doit pas être abandonnée avec cette idée, non pas que tout est pris sous les formes de disposition incorporée, où c'est la matrice principale, mais il y a toute une série d'automatismes et automatismes qui créent ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les formes de gènes, d'émotions corporelles, etc., qui participent d'une adhésion fataliste au monde social. Bon, et qu'on aurait tort de se priver de cette possibilité. Mais à la différence de Bourdieu, ou de Lahire d'ailleurs, parce que Lahire... reprendre disposition sans prendre habitus, donc il déconnecte disposition habitus. Tant Bourdieu que Lahire continuent à avoir un rapport hiérarchique entre disposition et habitus, et compétences et capacités. C'est toujours l'idée, c'est toujours une sorte de sociologie des profondeurs. C'est-à-dire le plus profond, le non conscient, détermine nécessairement le plus conscient, et donc c'est les dispositions. Et les capacités, les compétences qui sont reconnues ne sont que le déploiement des dispositions. Bon. Alors je pense qu'il y a un truc à faire, c'est de déconnecter, de prendre l'attention entre dispositions et capacités, justement, et compétences. Bon. Et ne pas avoir ce lien intégré hiérarchique. Alors parfois il peut y avoir des liens, etc., mais en tout cas dans la théorie au départ, de déconnecter les deux. Bon. Et là peut-être on aura des effets intéressants si on casse ce lien hiérarchique. Voilà. Voilà un peu comment je verrai le problème. J'avais une question. Oui, moi je me demande ce que produisent les tensions. C'est-à-dire que je comprends bien qu'il faut éviter de résoudre la contradiction une fois pour toutes, parce que sinon on tombe dans un système qui empêche de penser et empêche de voir la réalité. Mais justement sur les deux plans de la réalité et de la pensée, ou de la pratique et de la théorie, est-ce que on peut dire que la tension produit la même chose? Bon, il y a un truc qui est assez clair, c'est que la tension pour celui qui réfléchit, qui est dans la réflexivité maximale, eh bien, ça empêche le dogmatisme, ça produit de la sagesse au sens grec, c'est-à-dire la mesure qui empêche de tomber dans la démesure, hein, la mégalomanie, c'est l'hybris, hein, des anciens. Bon, donc il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de l'exercice, de l'hygiène de la pensée, et qui renvoient aussi justement un peu à des formes classiques de ce que c'est que la raison, quoi. Hein, qu'il faut maintenir la raison, qu'il faut maintenir la mesure. Ça produit aussi de la liberté chez le penseur, puisque ça l'empêche de devenir une espèce de dictateur de la pensée. Hein. Alors, chez les acteurs, ça produit aussi de la liberté, puisque la connaissance des déterminismes, comme chez Bourdieu, ça libère. Donc, c'est la distance critique, la conscience, finalement est la voie de l'émancipation quand même chez Bourdieu. Enfin, je dis quand même parce qu'on peut se demander si voilà la portée politique dans l'action de Bourdieu, mais enfin justement il y a au moins cette dimension là de la conscience qui passe par la connaissance de ses déterminismes. Bon, alors est-ce que ça produit pas aussi chez l'acteur ça produit aussi chez l'acteur de l'apprentissage, c'est-à-dire du progrès dans sa vie, enfin comment dire, quelque chose dans l'apprentissage de sa. Alors c'est là où ça devient un peu justement, est-ce que ça produit, dans le cheminement de sa vie, une réflexivité qui l'aide à résoudre les problèmes au quotidien. Bon, donc ça en fait quand même une espèce de petit philosophe. Quelque sorte, ou bien alors c'est un truc un peu psychologique, pédagogique, c'est-à-dire que ça permet de d'avoir un meilleur rapport à l'existant, je sais pas. Et puis alors, ça produit, j'en ai, il m'en reste deux, ça produit aussi du métissage, de l'hybridation, du composite, toi tu dis. Alors justement, t'as dit aussi métissage, donc je fais le lien avec hybridation et puis aussi réforme. C'est-à-dire, du coup, on construit quelque chose qui associe des éléments variés et qui permet d'avoir un résultat, qui est une sorte de compromis, quoi, en fait. Tu vois un peu l'accusation terrible qui est derrière. Et puis enfin. De révisionnisme, tu veux. Bernstein. Alors toi t'as dit qu'il y a du plaisir, ça produit un plaisir esthétique, hein, c'est-à-dire on avait le corps beau, mais c'est quand même beau, donc c'est une tension plutôt, ou alors non, ça n'empêche pas le plaisir esthétique, là j'ai pas bien dit. Et enfin, le dernier truc, c'est ça peut produire aussi de la consolation. C'est-à-dire, justement, on avait le corps beau, mais c'était quand même beau. Bon, il faut satisfaire un peu. De la domination, parce qu'il y a quand même des choses bien dans la vie. Donc là, c'est carrément l'accusation horrible de rien changer du tout. Voilà. Bien, alors, parce que ça pose différents niveaux de problèmes, c'est-à-dire ça pose le problème ce que ça porte dans la théorie, dans la pratique sociale, et aussi parce que ça pousse aussi sur l'idée de comment ça pense, ça crée des éléments sur le projet alternatif de société. Hein, parce que c'est ça qui est aussi. Alors, d'abord, il faut peut-être préciser, c'est que construire, comme j'ai essayé de le faire, un espace de tension. C'est pas sur le seul modèle. Maintenant, j'essaye de faire ça sur plusieurs. Par exemple, j'essaye de, dans le travail que je fais plus spécifique sur la question de l'individualité, j'essaye de construire une tension entre la singularité de l'individualité et l'espace de justice sociale. Et celui qui m'aide à penser en tension, c'est Lévinas. Parce que Lévinas, c'est celui qui est, permet, disons, de, il a, en tout cas, après Totalité infinie, dans Autrement qu'être, donc 75, il pose la question de la justice et des institutions de la politique, et il dit qu'il faut comparer l'incomparable, et donc il remet la question de la singularité du visage en rapport avec les institutions et l'espace commun. Mais il dit comparer l'incomparable, c'est-à-dire c'est vraiment un espace de tension, c'est-à-dire que comparer l'incomparable, ça sera toujours contradictoire. Bon. Et donc là, on n'est pas dans une synthèse, on n'est pas dans un dépassement de la contradiction. Donc, pour moi, maintenant, évidemment, c'est devenu une façon de concevoir les problèmes intellectuels, mais c'est un espace construit de tension. Hein. Donc, il faut déjà peut-être... c'est pas un éclectisme, au sens où des choses sont juxtaposées, c'est pas une juxtaposition de problèmes. Donc, c'est pas l'idée qu'il y a... Il n'y a pas une harmonie des concepts, mais c'est un espace construit de tension. Donc on est toujours, disons, dans un type de travail intellectuel construit, parce qu'il y a toute une série aussi dans ce qu'on appelle le postmoderne de choses qui sont simplement de la juxtaposition de choses contradictoires. Donc ce n'est pas exactement la même chose, bon, pour moi. Cet espace construit de tension, ni dans la théorie, ni dans l'enquête empirique, ni dans la pratique politique, ni dans le projet, il n'a de garantie. Parce que comme c'est un espace de tension, l'écueil est toujours là. Donc je peux toujours être tenté de rabattre. Donc j'en ai jamais fini avec le problème. Bon, c'est l'idée que j'en ai jamais fini. C'est-à-dire que, en fait, le système, le style de théorie totalisant pense qu'il peut en avoir fini avec le problème à un moment donné. Il s'est donné une garantie définitive. C'est un peu par analogie, on pourrait dire, c'est ce que Merleau-Ponty dit quand il critique la fin de l'histoire dans les inventions de la dialectique, c'est quand il dit ce qui est caduque, c'est pas la dialectique, c'est la prétention de la terminer. La prétention de la terminer, c'est l'idée qu'on peut avoir une garantie définitive à un moment donné, tandis que si on dit que ça continue, et ben voilà, on n'a pas de garantie définitive, ça peut tomber un côté ou l'autre. Donc c'est ni dans la pratique, ni dans le travail sociologique, c'est toujours en travail. Bon. Et donc, il faut trouver des dispositifs alors d'enquête, hein, au niveau de la méthode, mais au niveau de la pratique, des dispositifs institutionnels, organisationnels, et puis plus tard dans le projet de société, une façon de penser les institutions et les pratiques sociales qui aménagent cet espace de tension avec la possibilité de l'écueil toujours, de la dérive, etc. C'est comme ça d'ailleurs que Proudhon pense, un des grands penseurs de la fédération. La fédération, c'est justement l'espace pour penser l'équilibration des contraires. Et il le fait ça contre ce qu'il appelle le fanatisme de l'unité. Les fanatismes de l'unité, ce qu'il appelle le gouvernementalisme aussi, etc. C'est l'idée autour d'une solution qui va unifier l'espace. Bon. Et la fédération, c'est quelque chose qui ne va pas unifier. Bon. Mutualiser chez... Voilà. Alors, et donc, il y a... Alors, ça change la façon, évidemment, ça change la façon de poser le problème. Ça n'évite pas... Ça ne donne pas cette stabilité que donne le style total. Bon, ça ne donne pas cette espèce de garantie. Mais on voit bien en même temps que cette garantie, elle est... parce que quand on voit historiquement les penseurs, on voit bien que leur système... Il y en a qui intègrent tout le temps, mais il y en a qui changent le système total avec le temps. Donc on voit bien que cette idée de stabilité, elle a une fonction régulatoire au mieux, mais historiquement, elle n'a pas grand effet. Pour les acteurs, consolation, ça veut dire qu'il n'y a que la domination. Donc c'est déjà rabat. Est-ce qu'il peut y avoir des choses dans l'expérience du dominé qui ne soient pas que la domination? Voilà, alors si tu dis qu'il n'y a que la domination, évidemment, si tu as un plaisir esthétique alors qu'il y a la domination, alors évidemment tu es dans la consolation et donc il faut oublier ton plaisir esthétique parce que c'est ça qui va t'empêcher de lutter contre le capital. Mais si tu penses que... Ça, c'est une vision que j'appellerais domino-centrique. Il y a deux visions de domino-centrique. Il y a la vision de Grignon et Pascon dans l'antexte de 89, qui dit qu'il ne faut pas projeter le regard dominant sur toutes les activités symboliques des dominés, simplement à travers leurs critères. Et puis il y en a une deuxième sens, à mon avis, qui émerge avec la sociologie pragmatique des années 80, qui dit il y a dans la vie sociale des formes alors de coopération, moi j'ai travaillé sur la compassion à l'hôpital, etc. Bon, des formes de vie sociale qui ne sont pas réductibles à la catégorie de domination. Bon, alors c'est une autre façon de dire qu'il n'y a pas que... Voilà. Donc, si tu dis consolation, ça veut dire que tu n'es que du côté de la domination. Bon. Alors, est-ce que c'est la réforme ? Ben non, parce que la réforme... la réforme, c'est une purification. Si on prend le débat entre Bernstein et Rosa Luxembourg, qu'est-ce qu'elle reproche à Bernstein ? Elle va dire la réforme, à l'époque on dit révisionnisme. Ce qu'elle reproche à Bernstein, c'est de dire que le mouvement est tout, mais qu'il n'y a plus de but. Hein ? Et par contre, elle insiste pour dire que toutes les réformes qui améliorent la vie de la classe ouvrière, il faut les prendre. Donc cette idée que les révolutionnaires auraient été contre les réformes, c'est une drôle d'idée. Enfin, c'est une idée de groupe d'ultra-gauche, je pense, enfin, ou de vision a posteriori. Mais enfin, c'est l'idée quand même, un révolutionnaire, il est pour n'importe quelle réforme, pour n'importe quelle amélioration. Bon. Donc, il n'est pas contre les réformes. Le problème, c'est qu'il inscrit ces réformes dans un horizon. Et c'est la tension entre les pratiques et l'horizon qui crée le mouvement. Le problème de Bernstein, c'est qu'il dit qu'il faut abandonner le but. Si on abandonne le but, on abandonne l'horizon. Et alors, par rapport à quoi on fait les réformes ? Et c'est pour ça que Bernstein est encore un marxiste, on pourrait dire révolutionnaire, au moment où il écrit. Mais dans Bernstein, il y a déjà le social-libéralisme d'aujourd'hui. Parce que si on n'a plus de but au-delà de l'ordre existant, la réforme, et bien peu à peu, ce qu'on appelle réforme, c'est des aménagements de plus en plus qui sont dans l'ordre de l'évidence de ce qui existe. Et puis peu à peu, ce qu'on appelle les réformistes, ils ne réforment plus rien. Bon. Donc c'est une façon de purifier. C'est une façon équivalente de purifier comme ceux qui pensent que tout est du côté, enfin la thématique du grand soir, etc., que tout est du côté de l'après. Alors si tout est dans l'après, eh ben, c'est une façon de purifier du côté de l'après. Hein. Bon. Donc il me semble que si on est une pensée de la formulation des tensions, on n'est pas de ce côté-là. Donc simplement, on abandonne... Moi, ce que je considérais comme une illusion, que ce soit dans la théorie, dans la pratique politique, on abandonne l'illusion de la garantie définitive. Voilà. Et donc, nécessairement, on a un rapport plus pragmatique aux choses, puisqu'on sait que ça peut tomber d'un côté de l'autre, qu'il y a des écueils, etc., qu'on peut retomber. D'où, aujourd'hui, je pense, l'intérêt de renouer les liens entre la pensée radicale, ça se fait un peu, et le pragmatisme américain, les gens comme Dewey, etc. Parce que là, il y a une pensée qui prend au bras le corps cette question, hein, dans l'approche de la démocratie, qui prend dans ce mouvement de rectification, d'évaluation, de tenter des expériences, de réévaluer, etc. Bon. Et qui abandonne la garantie ultime, voilà, dans la théorie et dans la pratique. Voilà. Et je vois bien que ça, par contre, c'est... Moi, j'étais un peu formé à la fin des années 70, mais je vois bien que c'est très difficile pour ceux qui ont été formés dans le cadre des années 70, que ce soit d'un point de vue militant ou d'un point de vue théorique. Parce que ça se pose complètement à la façon de formuler les choses. Bon. Et ça ne correspond pas non plus complètement après à ce qu'on... C'est très divers ce qu'on appelle le postmoderne. Hein. Mais à une partie de ce qu'on appelle postmoderne, qui là est une sorte de renversement d'une certaine façon de la pensée des années 70, plus que d'une autre façon d'une façon de reformuler. Christian Lapuisset. Oui, merci Philippe en tout cas pour cet exposé stimulant. La question qu'on cherche à se poser dans ce séminaire avec le titre Bourdieu et le politique, et que je te repose. Là, c'est au fond, quelle cohérence vois-tu entre la forme d'engagement de Bourdieu, ou les formes d'engagement, si on peut en distinguer plusieurs, et la forme de connaissance qu'il développe à travers sa sociologie. Au fond, d'après toi, selon toi, y a-t-il cohérence entre cette forme d'activité et cette forme de connaissance ? Donc tu as parlé de Wittgenstein, c'est justement... Bourdieu, je pense, est bien placé d'une certaine façon à plusieurs registres pour pouvoir servir au fond de quelque sorte d'objet d'interrogation sur les conciliations ou les mises en conformité ou en cohérence de la connaissance et de l'action. Deuxième chose, mais c'est la même question au fond, est-ce que ce problème de tension que tu mets en évidence à travers Bourdieu et Rancière, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup plus ancien et qu'on retrouve précisément chez Marx? Non pas le Marx caricaturé par Rancière quand il parle au moins de tradition marxiste qui serait tramée, sous-tendue par un présupposé inégalitaire, mais Marx dans, je dirais, au moins un certain nombre de ses propos et de ses présupposés qui sont ceux de l'auto-émancipation. Mais précisément, ce n'est pas parce que Marx a mis en avant l'auto-émancipation qu'il a réglé le problème de l'intellectuel dans le mouvement et dans la lutte. Ce n'est pas parce qu'il a écrit dans une lettre de 1843 bien connue à Rougueux qu'il ne s'agissait pas d'apporter la vérité à l'humanité, mais qu'il s'agissait au contraire d'éclairer les raisons des luttes, qu'il a réglé le problème. Et les tensions que tu as dévoilées entre Bourdieu et Rancière ne sont-elles pas déjà très précisément chez Marx? Et au fond, pour terminer là-dessus, est-ce que les positions de l'un et de l'autre ne tiennent pas précisément à, je dirais, une absolutisation de ce qui traverse déjà le marxisme, c'est-à-dire d'un côté une lecture savante du monde social qui pousse en effet à négliger, voire à nier ce dont sont capables les acteurs en lutte, et d'un autre côté une posture qui, au contraire, tendrait plutôt à fétichiser donc le mouvement, enfin l'émergence du côté des acteurs d'une auto-émancipation qui n'aurait pas besoin de savoir savant. Est-ce que ça ne conduit pas finalement à deux postures ou à deux risques, en tout cas, ou à deux tentations, du côté de justement de l'intellectuel savant, la tentation du surplomb, et je dirais même de la substitution, ce qu'on a pu voir poindre chez Bourdieu à partir des années 90, à certains moments, substitution par rapport au mouvement social ou à ses organisations. Je pense en particulier à ce moment qui sont ceux des états généraux du mouvement social. Et d'un autre côté, chez Rancière, une posture qui est celle de la soustraction, donc pas la substitution, mais la soustraction de l'intellectuel, et qui interroge évidemment sa présence ou non dans le mouvement social. Parce que ce qui caractérise quand même Rancière, depuis 30 ans, c'est une certaine position, je dirais, de profond retrait par rapport à ce qui se passe. Et ce qui pose, à mon avis, toute une série de problèmes quant à la... disons, c'est un grand mot, mais quant à la responsabilité de l'intellectuel par rapport au processus historique en cours. Voilà. Alors moi je suis sur Marx, je reviendrai sur Marx peut-être après, mais je suis sur Bourdieu. C'est compliqué parce que ça dépend des moments. Il y a le présupposé, disons, du primat de la connaissance savante, il prend deux formes. Il peut prendre la forme radicale, mais il peut prendre la forme institutionnelle. C'est-à-dire, c'est le rapport du Collège de France à Mitterrand pour réformer l'éducation nationale, sous la houlette de Bourdieu. Dans ce rapport, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, c'est la sociologie qui peut dire comment on réforme l'éducation nationale. Et il y a plusieurs discours de Bourdieu à l'époque, dans la presse, etc., qui expliquent que les gens qui ne savent rien, etc., ils ne peuvent pas, et donc c'est ce règne de l'opinion, c'est la critique un peu platonicienne du règne de l'opinion, et c'est le savant critique qui va dire comment il faut réformer l'éducation nationale. Bon. Et donc là, c'est pas radical, c'est comment le sociologue peut être conseiller du prince. Hein. Donc ça est, hein, c'est un élément de ce qu'a fait Bourdieu. Bon. Alors ça n'a pas marché, puisque finalement... Mais il a fait la même chose autour de Rocard. Je me rappelle une discussion que j'avais eue avec lui, et il me disait, oui, mais j'avais convaincu Rocard de balancer Mitterrand, etc., etc., il allait me suivre, etc. Mais en fait, il y a un conseiller en communication qui a dû passer après parce qu'il ne l'a pas fait. Bon, alors, il avait une sorte de naïveté à l'égard des processus politiques aussi assez étrange. Bon. Mais il a eu cette fonction de conseiller du prince, hein, auprès de Rocard, auprès de... Bon, l'introduction auprès de Mitterrand, c'est Attali. Enfin bon, il y a eu cette fonction. Bon. Donc aujourd'hui le bourdieusisme essaye de construire une image que radicale. Hein. Bon, c'est beaucoup plus compliqué. Bon. Et puis, il y a la tentation de dire, ben, le sociologue donc, va donner le savoir des mécanismes sociaux, etc., aux mouvements sociaux. Bon. C'est un élément qu'on trouve parfois. C'est en... Et puis, il y a un troisième élément qui est... qu'on trouve dans certains textes de l'époque des années 90-2000, où là, en fait, le sociologue se fait une sorte de porte-voix de ce que formulent les dominés eux-mêmes. Alors, ça ne correspond pas bien à la théorie. Hein. En tout cas, ça ne correspond pas bien au métier de sociologue. Mais, donc là, il y a... et on le voit notamment dans le discours qu'il fait, là, parce que ben, c'est ça qui est repris, hein, le discours sur le mouvement des chômeurs, quoi. Avec l'idée du miracle du mouvement des chômeurs, etc. Et là, là il explique, voilà, normalement, en fait, d'un point de vue sociologique, le mouvement des chômeurs n'aurait jamais dû avoir lieu. Et donc, il le qualifie de miracle, parce que voilà, il y a quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu, selon les lois de la sociologie, et qui a lieu. Donc déjà, c'est une sorte d'aveu de dysfonctionnement de la sociologie critique que, avec ses règles probabilistes, aurait énoncé l'impossibilité. Et donc là, il se fait plus porte-voix de choses qui sont faites par les acteurs eux-mêmes. Hein, et il y a eu une orientation plus libertaire de Bourdieu, avec des contacts avec le groupe Alternative Libertaire, avec le contact avec ACT UP, etc., qui donne une image moins, disons, léniniste de Bourdieu, mais plus libertaire. Bon. Donc il y a des hésitations. Il y a un très beau texte qu'on trouve encore sur le site de la revue Vacarme de Philippe Mangeot, sur la notion de miracle chez Bourdieu. Alors il reprend ce thème du miracle, etc., et c'est assez intéressant. Bon. Donc il y a cette tension, évidemment, le paradigme sociologique le plus fort maintient quand même l'idée de... c'est compliqué, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que à la fois la vérité est du côté du monde savant et des processus scientifiques, mais d'une certaine façon, elle échappera toujours aux dominés, Et l'authenticité est du côté des milieux populaires. Parce que l'authenticité est dans le corps, et le corps, c'est le populaire. Et autrement, ça devient inauthentique. Bon. Et donc, c'est cette ambivalence terrifiante, enfin étrange, de « je suis dans un milieu qui est complètement inauthentique », et ça correspondait bien à quand on rencontrait Bourdieu. Hein. On est dans un « je suis dans un milieu authentique, complètement inauthentique ». Mais en même temps, c'est le lieu de la vérité, mais c'est le lieu maximal de la vérité et le maximal de l'inauthenticité. Et dans le populaire, il y a le lieu maximal de la méconnaissance et en même temps le lieu maximal de l'authenticité. Et il le dit comme ça ? Si on prend par exemple la préface du sens pratique, c'est très net. Ouais, je pense que c'est très net. Si on prend la préface du sens pratique, c'est très net. Bon. Il y a ces équivalences qui sont faites entre populaire, pratique, etc. Et après, on a intellectuel, savant, vérité. Bon. Alors, ça donne une torsion, mais c'est une torsion intéressante hein, dans l'itinéraire. Et justement, c'est ça qui crée l'intérêt du personnage, bon, de ses évolutions. Alors après, sur Marx, je suis d'accord. C'est-à-dire, alors, le problème, c'est que... il faudrait voir comment on arrive à le formuler à partir de Marx. Je pense que Rancière et Bourdieu, si on les confronte, nous permettent d'avancer dans la formulation du problème. Voilà. Parce que le problème, il est dans Marx. On le voit bien dans deux lectures contradictoires de Marx. C'est-à-dire, il y a la lecture léniniste, hein, substitutiste, on va dire. Bon. Mais il y a la lecture Rubel. Et donc Marx et Bakounine, c'est pareil. Donc c'est libertaire. Et donc Marx, c'est l'auto-émancipation, etc. Mais on voit bien que, en même temps, ni la lecture léniniste, ni la lecture Rubel ne rendent complètement compte des tensions, hein, de l'hésitation, etc. Alors Rancière, il est plus subtil là-dessus, parce que là, il dit marxiste. Et souvent, il va mettre marxiste. Mais dans Le philosophe et ses pauvres, il y a tout un chapitre sur Marx qui est assez subtil, hein, sur les ambiguïtés de Marx, etc. autant le chapitre sur Bourdieu est extrêmement unilatéral et trop polémique, etc., autant le chapitre sur Marx est beaucoup plus subtil, à mon sens. Là, il y a, et donc, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a une absolutisation, mais dans la posture même, d'abord, dans la définition même de ce que c'est que la connaissance, et après, ça a des effets sur le rôle de l'intellectuel. Bon. Avec un autre problème, moi, qui est en torsion toujours dans mon itinéraire, c'est que Rancière, on ne veut pas dire qu'il n'est pas complètement... c'est compliqué, c'est-à-dire que, ces opprimés, c'est toujours les opprimés de 1830, surtout. Hein. Donc là, c'est un cas particulier, c'est-à-dire c'est ces premiers militants avec des caractéristiques assez particulières, les militants de sa thèse, etc., c'est ça l'émancipation. De temps en temps, il se lance dans l'idée de faire un lien, mais vague, avec sans papier, sans logement, etc., mouvement des femmes, mais c'est jamais construit de manière très systématique. Il explique que le mouvement des banlieues, par exemple, c'est pas ça, c'est pas l'émancipation, c'est pas la mésentente. Bon, donc, et en même temps, il a des interventions de type bourdieusienne, par exemple la haine de la démocratie après le référendum sur le TCE. C'est une critique des catégories dominantes, du mépris du populaire, etc., à travers les discours dominants sur le oui, etc. Bon, et donc, et là, il fait un travail bourdieusien de critique des présupposés dominants, etc. Alors, et pour qui, puisqu'il le publie, donc c'est une intervention. En plus, c'est un des textes qui est le plus diffusé. Par exemple, je vois dans les milieux militants, attaques, etc., c'est le rare texte que les gens ne connaissent de Rancière, bon, la haine de la démocratie, bon, parce que ça venait après le référendum, etc. Il y a les bords du politique où il pose cette question-là. Est-ce qu'il faut être dedans la politique ou dehors pour penser le politique? Donc c'est à la fois académique, le politique, il faut le redéfinir, c'est balisé comme terme, vous le savez. Mais en même temps, c'est une pratique impliquant. Et c'est vrai qu'il y a une mise à distance pour penser le politique dans une voilà, politique, et ça correspond aux années 80-90. Alors mon problème à moi, c'est que c'est qu'on est encore dans la figure où, que ce soit Bourdieu ou Rancière, alors Marx c'est plus ambivalent justement, il y a l'intellectuel et l'engagement, et en fait l'intellectuel se définit d'abord par sa fonction intellectuelle, ce qui donne chez Bourdieu l'idée de raison d'agir, c'est-à-dire les intellectuels ils ne peuvent pas aller dans un syndicat, dans une association, dans un parti comme les autres. Leur essence se définit par leur être intellectuel, et donc ils créent le parti des intellectuels. Le Parlement. Voilà, le Parlement, le parti, l'association, et qui est séparé des autres. Parce que je me définis principalement ou essentiellement par mon activité intellectuelle. Mais si je dis je suis intellectuel par ailleurs, par exemple, moi mon itinéraire c'est que j'étais, avant d'être sociologue, j'ai été une quinzaine d'années avant militant et après toujours. Donc je ne vois pas pourquoi mon être serait défini principalement par ma qualité d'universitaire. C'est un élément, c'est sans doute un élément public, etc. Mais enfin, c'est pas ça qui détermine ni ma socialisation complètement, etc. Même si on est sérieux avec la sociologie, l'idée que c'est la fonction intellectuelle professionnelle définit l'entière trait de l'être et donc le rapport à la pratique, c'est un peu étrange. Donc le problème autre, c'est pas simplement le problème du rapport de l'intellectuel avec l'engagement, parce que c'est un petit bout sa fonction intellectuelle, c'est que l'intellectuel il est autre chose, il est un citoyen, et alors je sais pas ce que fait Rancière, est-ce qu'il manifeste, est-ce qu'il fait une grève de la faim, est-ce qu'il fait des sittings, etc., mais en tant que citoyen Rancière, pas en tant que philosophe Rancière, voilà. Le problème en France, c'est qu'il y a aussi une absolutisation de l'idée que c'est la fonction intellectuelle qui détermine avant tout, et donc c'est toujours l'intellectuel par rapport. Bon, alors, et donc, dès qu'on considère que l'intellectuel, il n'est pas qu'intellectuel, ça crée aussi de l'ambivalence, du métissage, etc. Et alors après, des contradictions internes, parce que ce qu'on fait en tant que militant dans telle ou telle situation, ça peut être antagonique avec ce qu'on fait en tant qu'intellectuel, donc il y a une tension aussi, voilà, donc et là il faut assumer, et donc voilà, et donc dire l'intellectuel c'est une façon de purifier du côté de la fonction intellectuelle, bon, et qui évidemment une façon de construire de manière extrêmement un peu arrogante parce qu'on s'appuie dans la tradition, on commence à l'affaire Dreyfus, etc. Et on va porter avec soi tout le poids de ça, et donc on arrive sur la scène publique, tout ça, voilà, avec les spots, etc., etc. On retrouve l'histoire de la fille Mantalo de Eddie Mitchell. Stéphane. C'est une question assez rapide sur la sorte de tentation ethno-méthodologique que je sens dans votre présentation, c'est-à-dire le brouillage d'une certaine manière de la frontière entre le chercheur et les non-chercheurs. Vous évoquez l'existence ordinaire, la vie ordinaire, les gens ordinaires. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que vous tentez immédiatement d'ajouter un autre élément à ça, qui consiste à dire, en fait, ce sont des registres, ce sont des niveaux différents, donc c'est la question des jeux de langage et des jeux de connaissances. Et à partir de là, ma question, c'est est-ce que pour vous, il y a une hiérarchie entre ces niveaux, entre ces jeux de connaissances? Comment est-ce que ça marche? Parce que quand vous nous faites écouter les chansons et que vous nous reprenez Jonas et Souchon, vous nous dites, voilà, eux, ils sentent la tension, on la voit, c'est-à-dire la tension entre les contraintes de la domination, les incapacités, et d'un autre côté, les capacités. Alors que Rancière, lui, ne voit que les capacités, et Bourdieu, lui, ne voit que les incapacités. Est-ce que ça signifie que, d'une certaine façon, le chercheur n'est condamné qu'à voir un bout de ce qu'est véritablement cette réalité des existences ordinaires des uns des autres? Est-ce que c'est une incapacité à traduire? Qui est le meilleur sociologue? Alors bon, ça pose des tas de problèmes. C'est un problème que j'ai rencontré dès le départ de ma thèse. C'est mon premier article, je pense, dans la revue française de sciences politiques en 92. Ça s'appelait « Éléments d'épistémologie ordinaire du syndicalisme ». Bon, c'était sur la question des rapports entre savoir savant et savoir ordinaire. Bon, parce que, en fait, la moitié de ma thèse était consacrée à cette question. Parce que dès que j'ai été confronté à une enquête de terrain pendant 4 ans, j'ai observé pendant 4 ans, je suis devenu un membre participant d'un syndicat de cheminots à Bordeaux. J'ai vu qu'il y avait des schémas d'analyse qui ressemblaient aux schémas savants. Qu'il y avait, d'une certaine façon, mais il faut mettre entre guillemets, des acteurs qui avaient des schémas marxistes, touréniens, bourdieusiens, constructivistes, boudoniens, etc., etc. Donc j'ai répertorié d'ailleurs ces schémas. Bon, j'ai fait un travail de répertoriage de la façon dont... évidemment, donc ça allait à l'encontre, et c'était le mouvement des années 80, avec l'introduction en France de l'ethnométhodologie. Elle surgit en France que dans les années 80, pour réintroduire, disons, l'idée que les acteurs eux-mêmes sont des enquêteurs, eux aussi ils ont des schémas savants, etc., etc. Et puis après j'ai essayé de me poser la question du rapport avec les théorisations savantes. Et pour moi, évidemment, c'est pas exactement la même chose, et dès cette époque, je faisais référence à deux notions, la notion de Wittgenstein, le jeu de langage, mais une notion aussi qui la complète, qui est celle d'Alfred Schutz, de système de pertinence. Bon. Le système de pertinence du sociologue, ce qu'il va considérer comme central, etc., les éléments pertinents ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est pour ça qu'on met souvent Schutz comme un des points d'appui de l'ethnométhodologie, mais Schutz distingue très bien, il fait très bien la différence entre les systèmes savants et les systèmes ordinaires. Bon. Ce n'est pas une indistinction qui est créée. Bon. C'est des systèmes de pertinence qui sont différents. Bon. C'est pour ça qu'il parle de construction du second degré. Le travail savant, c'est une construction savante des constructions ordinaires des acteurs. Bon. Et la construction savante, elle se fait dans le cadre du registre savant, avec les concepts savants, en délimitant un certain nombre de choses, en épurant d'autres, etc. etc. Bon. Donc il y a cette autonomie des systèmes de pertinence. Et le langage, je rajouterai aujourd'hui qu'il y a des intersections. Bon. Alors, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans le sens où, je suis Wittgensteinien, et le texte d'Henri Atlin dont j'ai parlé de 86 est assez intéressant, parce que bon, c'est rare qu'un biologiste mène une réflexion épistémologique aussi intéressante en empruntant cette notion. Et bon, le problème de Atlin, c'est de voir les jeux de langage scientifique et la question des jeux de langage religieux et mythologiques et les rapports. Et donc, il aboutit à une idée qu'on trouve chez Wittgenstein déjà, c'est qu'il n'y a pas de jeux de langage et de jeux de langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeu de langage qui intègre ou qui hiérarchise l'ensemble dans un ensemble avec un haut ou un bas, etc. Bon, y a pas, c'est pas possible. D'où la, y a un article intéressant là-dessus où il est qu'en anglais d'ailleurs, il n'a pas été traduit, un article de Ricoeur qui mène un combat contre Wittgenstein là-dessus en essayant de défendre l'idée que la philosophie quand même reste le jeu de langage et le jeu de langage. Bon. Donc il n'y a pas de jeu de langage et jeu de langage, mais dans le jeu de connaissances scientifiques, eh ben, c'est les critères du jeu de langage scientifique qui sont discutés, etc., qui valent. Bon. Et dans le jeu de langage chansonnier, c'est les critères de la chanson. Hein. On voit bien que c'est pas les mêmes. On voit bien que essayer de mettre en parole un texte de la distinction de Bourdieu, etc., ça le ferait pas complètement. Et d'ailleurs, il manquerait la musique, il manquerait des tas d'éléments au jeu de langage. Bon. Donc, alors, ce que je fais moi, c'est pas de dire que la chanson est sociologique. C'est de dire que je vais chercher dans le jeu de langage chansonnier ou dans le roman noir ou dans le cinéma des éléments que je vais rapatrier dans le jeu de langage sociologique ou philosophique. Et donc, je leur donne un sens différent. Évidemment, ce n'est pas le sens que... J'avais écrit des textes sur Eddie Mitchell, et donc je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et donc, évidemment, on a discuté de ça, parce qu'il a lu mes textes. Évidemment, pour lui, ce que je dis a un rapport avec ce qu'il fait, mais en même temps, c'est pas exactement ce qu'il veut faire, etc. C'est pas ça. Donc il y a un rapport, il voit bien qu'il y a un rapport dans les thèmes, etc. Mais le fait que je prélève et que je le mette dans un autre jeu de langage, ça donne... C'est cette idée de Wittgenstein que le sens, c'est l'usage. C'est-à-dire, en rapatriant une autre forme d'activité et de vie, je donne au même énoncé quelque chose, un autre sens, parce que c'est un autre usage du même énoncé. Donc c'est plus tout à fait le même énoncé, en fait. Bon. Et donc, c'est comme ça que je conçois les problèmes. Et donc, c'est pour ça que ça ne peut pas... Évidemment, il y a un effet de provocation, parce que c'est pas courant, que j'utilise souvent, c'est parce que ça vise aussi à casser une certaine évidence, une certaine arrogance académique. Donc, évidemment, il y a un élément de provocation que j'utilise quand j'utilise le cinéma ou le roman noir, etc. Quand, dans mon livre La Société de Verre, j'essaie d'expliquer à partir de deux chansons d'Axel Red comment on peut déplacer le débat entre Boudon et Bourdieu, évidemment, c'est une provocation. Alors, qui fait, évidemment, les sociologues académiques mais s'en trouvent complètement terrifiés, etc., par... Et donc c'est le relativisme, etc. C'est la destruction de la science, c'est l'abomination. Donc, mais ça, c'est un effet provocateur voulu. Mais disons, rigoureusement, quand j'essaye de faire ça, et donc il n'y a pas besoin de se poser la question du lien hiérarchique. Ben, y a des niveaux de réflexivité, t'as dit. Oui, mais moi je ne dis pas que plus de réflexivité et plus de moins de réflexivité, c'est plus ou c'est moins bien. Hein. C'est-à-dire que cette hiérarchie, par exemple, Pierre, il recompose lui-même sa hiérarchie entre esprit pratique et esprit intellectuel, bon, où il fait sa mixture. Voilà. Il l'a fait contre la vision dominante dans le milieu intellectuel. Mais moi, je n'ai pas d'avis en tant que sociologue. Alors, moi-même, en tant que personne, je peux faire à un moment donné une hiérarchie ou un élément plus important ou dans une situation. Bon. Mais je ne vais pas considérer que ce qui est corporel et non conscient, c'est plus bas, etc. Là, évidemment, ce que j'ai dit de Bourdieu, c'est très compliqué, c'est-à-dire que Bourdieu considère que ce qui est le plus inconscient et le plus corporel, c'est plus authentique, mais en même temps, c'est plus bas dans la hiérarchie culturelle, et donc voilà la difficulté. Donc c'est en haut et en même temps, c'est en bas. Bon. Et donc, c'est dans cette tension entre les deux choses. Bon. Mais moi, il n'y a pas besoin de faire cette hiérarchie en tant que sociologue, en faisant un travail de philosophe, etc. J'ai pas besoin de cette hiérarchie. Après, implicitement ou parfois explicitement, il arrive que dans une situation ordinaire, on soit amené à faire cette hiérarchie. Je pense par exemple à quelque chose qui m'avait troublé pendant ma thèse, c'est-à-dire que je vais interroger un ouvrier mécano dans un atelier de réparation SNCF. Alors, je l'interroge chez lui. Un militant syndical, et il me dit, tu sais, les ouvriers, ils sont cons. Hein. Alors bon, il est face à moi, tout seul, dans son salon. Les ouvriers, ils sont cons, ils réfléchissent pas, ils ont pas été à l'école, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de choses à attendre d'eux, etc. Quand même, bon. Enfin, tiens, bon. Donc là, je me dis, tiens, un truc... évidemment, on est bien obligé de tenir compte de l'effet que c'est moi qui suis sociologue qui l'avait interrogé, donc on peut pas On ne peut pas faire ça indépendamment de l'interaction entre le sociologue et considérer que c'est sa vision du monde en général. Bon. Parce que pendant la grève de 86, je le trouve dans une assemblée générale, et puis il dit l'inverse. Il dit, il y en a marre de ces cons qui analysent, etc., etc. L'important, c'est les tripes, il faut partir, il faut y aller, et ces connards avec leurs analyses, on n'en a rien à foutre. Bon. Alors on peut dire que c'est l'inverse. Bon, que là, c'est les tripes qui comptent, et alors ces conneries d'analyse, etc. Bon. Alors, tu vois, et c'est pas la même situation, c'est la même personne. Bon. Mais je comprends pas, Hiérarchise. Là, le niveau de réflexivité pour le chercheur dans son activité, elle est importante. C'est-à-dire que dans le jeu de langage sociologique ou philosophique, le niveau de réflexivité est important. C'est-à-dire que lui, il doit faire ce travail réflexif sur les présupposés, sur etc. Bon, sur, ben, justement, tu peux traiter le premier entretien chez lui comme, voilà, ben, de manière misérabiliste, classique, en disant, ben, voilà, il y a un effet de dépossession, etc., d'intériorisation de la légitimité culturelle dominante, etc., et de mépris pour la forme. Et donc, si tu ne prends pas en compte l'interaction enquêteur-enquêté, et donc là, tu as un niveau de réflexivité nécessaire, plus grand que... Non. Donc ça, c'est dans le jeu de langage philosophique ou sociologique. Mais je ne vais pas dire en soi que le corps, le silence du corps, ou la réflexivité maximale, il y en a un qui est au-dessus de l'autre en soi, comme ontologie générale. Voilà, j'ai pas besoin de ça, et il me semble pas que j'ai besoin de ça. Quoi. C'est plutôt ça. D'autres questions ? Si elle n'a pas, je vais en glisser une subrepticement. Oui, dans la rotation en fait entre Bourdieu et Rancière, on voit bien à propos de la capacité, de l'incapacité de dominer, du poids de la domination au regard de l'incapacité ou la capacité des dominés, il y a une extériorité des deux points de vue qui ont l'air irréconciliables. D'ailleurs, tu dis toi-même que finalement il y a sans doute pas de dépassement à réaliser et qu'on ferait une mauvaise option théorique ou un mauvais cadrage théorique si on voulait dépasser les deux points de vue qui tombent vraiment à l'extérieur l'un de l'autre. Ça dit, je me demande en fait si le point de vue de Rancière, par certains côtés, il n'est pas aussi interne à la sociologie de Bourdieu elle-même. Est-ce que Bourdieu ne s'est pas rancierisé en quelque sorte de l'intérieur? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas chez lui des formes à la fois de d'émancipation, de conflit et de résistance, en fait, mais qui introduisent d'ailleurs un prix, un coût à payer pour la théorie, mais en fait qui n'existent pas moins, je veux dire, indépendamment du poids ou de la chape de la domination qui aurait l'air d'être un peu le régime de discours absolument dominant chez Bourdieu? Bon, tu as cité le cas déjà des formes d'émancipation, de dévassement de la domination à partir de la connaissance sociologique et donc de la part d'adhésion qu'on peut avoir à l'ensemble des structures du champ et qui font qu'on peut manifester des formes de comment dire, au moins de suspension doxique à l'égard du poids de la répartition des capitaux dans un champ. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre qu'on pourrait rajouter à ça. Bon, en particulier, le fait que les formes de résistance ou les formes de conflit à l'intérieur du champ se produisent quand le champ est déjà bouleversé, c'est-à-dire quand les habitus commencent à se déchirer, quand ils sont clivés. Et donc on a déjà des conditions en fait, de conflit ou de résistance et de critique qui se manifestent dans le champ, quand le champ est déjà lui-même en train de se désagréger ou de se redistribuer sous l'effet de contradictions internes. Donc on a déjà une condition qui s'ajoute en quelque sorte à la connaissance même des lois du champ pour la transformation du champ, pour la transformation des rapports de domination. Mais il me semble que le paradoxe, c'est quand même dans des champs qui sont relativement homogènes, qui sont vraiment très structurés, très hiérarchisés, fortement distribués, on a malgré tout des formes de résistance ou des formes de conflits possibles. Deux exemples parmi beaucoup d'autres, mais qui me paraissent assez frappants. Dans le sens pratique, dans les études d'ethnologie kabyle, on a déjà le cas des femmes kabyles. Des femmes kabyles qui sont prises dans un champ extrêmement fermé du point de vue de la domination masculine, où là, le féminin a largement intégré les catégorisations de la domination masculine et où la domination est assez forte, avec une répartition même très autoritaire des espaces, l'espace privé pour les femmes, l'espace public pour les hommes, l'espace domestique, l'espace de l'éducation des enfants, des activités domestiques par excellence, où les femmes sont renfermées par opposition à l'espace masculin. Donc, on a là un champ très fort dans le système tribal, familial, etc. Et malgré tout, dit Bourdieu, il y a une place pour le fait que même sous la catégorie dominante du masculin, les femmes ont une espèce de capacité de critiquer toute la série des défaillances masculines partout. Et elles en font même un jeu entre elles dans les conversations privées, etc., de critique en fait, de mise à distance de la défaillance masculine à tous les niveaux domestiques, économiques, sexuels, etc. Donc des formes déjà de prise de distance critique à l'égard du comportement masculin. Deuxième élément, celui de la distinction, en fait, c'est-à-dire celui du fait que les classes populaires sont indexées sur la puissance de l'émotion, la puissance du corps, qui est en fait prise négativement du point de vue des classes dominantes et des élites dominantes. Mais Bourdieu dit en fait, les dominés ont la possibilité justement de retourner le stigmate en quelque sorte, c'est-à-dire de valoriser ce qui est précisément dévalorisé. Et donc la classe ouvrière en particulier a cette capacité de valoriser à la fois les qualités qu'on lui attribue négativement, à la fois la résistance, le courage, la virilité, l'engagement dans le conflit, etc. Et donc une manière de retourner le stigmate et de résister en un certain sens à la catégorisation négative dont elle est l'objet. Et Bourdieu dans les méditations pascaliennes emploie l'expression d'un sociologue allemand, Alfred Lütke, qui parle de l'entêtement des dominés ou de la ruse des dominés, en évoquant justement cette capacité de résistance. Alors du coup, je me dis, si il est possible de trouver, y compris à l'intérieur de sociologie où la domination est très forte, des formes de résistance, même dans des champs qui ne sont pas déstructurés, est-ce que ça introduit un coût, finalement, dans l'analyse de Bourdieu? Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a effectivement un coût. Il y a un coût à payer pour ça. Je crois que le coût, c'est la tension qu'il y a chez lui, au fond, une sorte de tension un peu irrésolue, entre d'un côté son anthropologie et d'un autre sa sociologie. La sociologie, bon, à mon avis, elle est du côté de l'habitus, ici, et la manière dont l'habitus est une forme de discipline très profonde des comportements, avec cet aspect très, très évident, mis sur le corps, sur l'inconscient, sur le poids de l'histoire, le poids de la socialisation, des structures éducatives, etc. Et de l'autre côté, je dirais que sur l'anthropologie, c'est aussi une anthropologie de l'intérêt. L'anthropologie de l'intérêt, voire même de l'intérêt individuel, des bénéfices matériels, des bénéfices symboliques, de la maximisation des bénéfices, etc. Et je me demande si les formes de résistance ne sont pas ici au cœur de la contradiction entre d'un côté la lourde discipline qui viendrait du côté de l'habitus, comme une sorte de chape disciplinant les comportements, et de l'autre les intérêts à la résistance, finalement, qui pourraient échapper à la discipline de l'habitus, déborder en quelque sorte l'habitus, et donc manifester cette sorte de tension entre les deux. Ce qui redouble encore plus le problème, c'est le fait que même sur l'intérêt, il a changé. Bon, l'intérêt au départ, il avait une condition quasi économique de l'intérêt, jusqu'à l'intérêt dernière version qui est l'illusion. C'est-à-dire, en gros, il est passé de l'intérêt à l'intérêt pour. Là, il a complexifié lui-même la notion d'intérêt. Mais je me demande en fait si donc il n'y a pas d'un côté des formes de résistance internes au dispositif théorique de Bourdieu qu'il est capable de penser, mais avec un coût assez élevé au sein de la théorie qui est l'ambiguïté finalement entre le rôle anthropologique de l'intérêt et la fonction sociologique de l'habitus. Donc est-ce qu'on pourrait voir quelque chose de ce genre dans l'édifice de la théorie qui propagerait une sorte d'ambiguïté? Et alors ma deuxième question, du coup, c'est sur ces formes de résistance ou de conflit. Si jamais on prenait ton point de vue, qui est un point de vue qui dit on va pas chercher à totaliser les choses, à les dépasser dans un cadre théorique, mais on va essayer de poser simplement les problèmes ou les questions et de les garder dans leur tension. Est-ce qu'il n'y aurait pas, d'un point de vue pragmatique, le fait d'aller voir... en particulier du côté, alors je ne veux pas être plus sociologue que les sociologues, hein, mais du côté des théories de la mobilisation collective dans les conflits qui auraient sans doute ici, très concrètement et très empiriquement, des choses à nous apprendre sur les conditions dans lesquelles on entre dans les conflits. C'est-à-dire comment on se mobilise, comment se fait la coordination, comment se font les formes de socialisation dans le conflit, comment on peut dépasser les formes de la défection collective de l'acteur de Marco Olson dans la conflictualité. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt du côté d'une sociologie des mobilisations qu'il faudrait aller chercher des éléments de réponse, finalement, sur les formes d'émancipation, de résistance, de lutte, etc. Alors, bon, il y a plusieurs éléments. Tu as raison que il faut, je pense, distinguer la forme systématique comme telle d'une figure de l'émancipation, qui est celle de la connaissance des déterministes, qui est là présenté comme tel, bon, sous la forme systématique. Et puis, toute une série d'éléments qui sont du jeu dans le dispositif, mais qui ne sont pas complètement systématisés, construits, etc. Par exemple, le simple fait de définir le champ comme champ de lutte et comme champ de force, voilà, donner cette définition. Donc ça veut dire qu'il y a des luttes toujours. Bon. Il y a des forces, il y a des luttes. Bon. Alors ça fait partie de la définition. on ne revient jamais pas complètement au-dessus, hein, ça part de la définition, et pourtant, dès à partir du moment où on définit un champ comme un champ de lutte, il y a ce bouger, etc., qui crée cette possibilité. Bon. La ruse des dominés, il y a cette possibilité aussi dans la distinction. Il y a des choses très intéressantes avant que Bourdieu stabilise les choses dans le livre Travail et travailleurs en Algérie. Bon. Là où on a la résistance aux catégories coloniales, bon, qui sont intéressantes. Alors, l'hypothèse de moi, oui, elle me semble intéressante, l'hypothèse entre une sociologie de l'habitus et une anthropologie des intérêts, qui est une tension entre les deux. Le problème, c'est que c'est là où la critique de Rancière porte, c'est qu'il y a des fois où c'est pas bouclé, et des fois où, en fait, Bourdieu va boucler autour des ruses de la domination. Et là, ça va donner le lien entre les deux. Mais alors, du côté de la sociologie de l'habitus. Parce que l'intérêt va conduire à donner une dynamique, à lutter, etc. Mais en fait, c'est typique de la lodoxia, l'intérêt va reconduire en même temps à une illusion. Et c'est intéressant quand même de noter que quand il va déplacer intérêt vers illusio, c'est pas simplement intérêt A par rapport à intérêt pour, ou intérêt, il va mêler en fait intérêt A, intérêt pour, intérêt dans, comme étant le même problème. Donc au sens où l'intérêt au sens du calcul rationnel, mais aussi au sens de l'intérêt ou être intéressé par telle ou telle chose, parce qu'on a été socialisé dans cette question. Mais le problème, c'est qu'illusio, ça renvoie sans arrêt à l'idée d'une illusion. Et donc, c'est pas la seule anthropologie. Enfin, moi, j'ai essayé de repérer au moins 4 anthropologies chez Bourdieu différentes. Donc, il y en a une qui est plutôt une anthropologie de l'illusion, c'est-à-dire de la vanité de l'existence. On part du nom. Il y a des formules de ce type dans la leçon inaugurale, la leçon pour la leçon. Il y a dans les méditations pascaliennes l'idée qu'il y a un non-sens originel de l'existence, qu'il y a une construction artificielle à partir de ce non-sens, et que cette construction artificielle est toujours vaine. Et donc c'est une sorte de course-poursuite vaine. Et c'est pour ça qu'il y a une anthropologie que, moi, c'est mon hypothèse, ça, les bourdieusiens ne sont pas forcément d'accord, mais je pense que cette anthropologie, c'est celle qui le revendique d'ailleurs par la méditation pascalienne. Il appelle ça l'anthropologie de la lutte contre la mort symbolique. Elle est très proche de Sioran. Et donc c'est cette course vaine, la vie n'a aucun sens, c'est une course vaine de production artificielle, et qui restera toujours vaine d'une certaine façon. Bon. Et illusio, ça va bien avec ça, si on va à illusio du côté d'illusion. Bon. Alors bon, dans son anthropologie, il y a pas mal d'hésitations et de contradictions. Et donc ça introduit des éléments intéressants. Mais le problème, c'est quand il rabat du côté des ruses de la domination. C'est-à-dire qu'il y a l'élément dynamique, il y a les luttes dans le champ, par exemple, mais en fait, dans les luttes dans le champ, les dominés se sont trompés d'une certaine façon parce qu'ils ne possèdent pas les bonnes catégories. Ils croient être dans l'émancipation, mais ils sont encore dans la domination. Bon. Et donc là, il y a ce problème d'éternisation de la domination dans le geste. Et là, c'est là que... C'est là, et quand il parle de ruse des dominés, est-ce que c'est... justement des points d'appui pour une autonomisation, ou c'est simplement une résistance dans un cadre qui ne peut pas être changé d'une certaine façon, simplement du jeu. Bon. Et là, il y a un élément, je pense, moi, quelque chose qui m'avait marqué aussi sur ces ruses des dominés, retournement du stigmate, qui reprend parfois à Goffman, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Moi, j'avais, par exemple, dans ce syndicat de cheminots, il y a une femme, alors à la SNCF, il y avait à peu près à l'époque que 10% de personnel qui était féminin. Dans le syndicat, il devait y avoir à peu près 5%. Donc c'était quand même un milieu d'hommes. Et donc il y avait une militante de ce syndicat CFDT de cheminots. Et qui était d'ailleurs, en plus, on l'avait mis, elle était dans les trucs administratifs, elle était secrétaire. Elle faisait les fonctions de secrétariat du syndicat. Bon, là, on est dans les formes classiques. Hein. Et à plusieurs reprises, dans des scènes, les gens pouvaient l'interpeller comme ça en disant « Oui, camarade, tu pourrais, etc. » Et elle répondait, je l'ai entendu plusieurs fois répondre ça, elle répondait, je n'ai pas de camarades, je n'ai que des amants. Et alors, en général, le cheminot viril, etc., se mettait à rougir dans la scène. Il y avait une sorte de retournement, parce qu'elle entraînait sur une autre scène. Il y avait une sorte de contre-ironie, quelque chose qui déplaçait là et qui créait une perturbation. Hein, bon. Et là, il y a quelque chose comme l'émancipation, mais je pense qu'il faut la travailler plus que le fait Bourdieu, c'est-à-dire du côté de Rancière, c'est-à-dire comme un point d'appui dans un processus d'autonomisation. Pas simplement comme dans quelque chose qui a un petit bout d'une résistance, dans quelque chose de toute façon qui enfermera toujours. Bon. Donc c'est, à mon avis, il y a du jeu chez Bourdieu, c'est ça qui est intéressant. Mais le jeu est pas... Alors, les théories de la mobilisation collective, pour très, très... Oui, mais pas que ça, c'est-à-dire que... Il y a, alors, maintenant c'est un secteur assez développé en sociologie politique, il y a différents courants, etc. Bon, par exemple, les sociologues d'inspiration bourdieusienne sont fortement investis dans cette sociologie des mouvements sociaux et de la mobilisation collective. Donc, il y a quand même une partie... Des sociologies des mobilisations collectives d'inspiration bourdieusienne qui sont assez misérabilistes. C'est-à-dire que c'est une façon d'expliquer que les gens qui se mobilisent, en fait, ils sont toujours en fait, dans la domination, etc. Ils croient qu'eux, mais voilà, bon. Donc, c'est pas sûr qu'on va complètement trouver, disons, ça. Alors, il y a des gens qui cherchent à tenir compte de la souplesse qu'ont donné d'autres auteurs, Grignon et Passeron, la sociologie des crises de Michel Daubry, etc., qui ont donné, disons, de la mobilité au modèle. Et là, comme ce que fait aujourd'hui Lilian Mathieu, tout ça, c'est différent. Mais il y a quand même une pente misérabiliste. Et donc, ça essaye de prendre en compte ça, notamment sa thèse sur la mobilisation des prostituées. Mais, et donc, bien que d'impensation bourdieusienne, ça essaye de sortir du cadre, mais il y a beaucoup de travaux, puisque c'est quand même un champ de la science politique et de la sociologie très développé aujourd'hui et avec une forte prégnance bourdieusienne donc dans les références. Bon. Donc il y a sans doute à voir justement dans ces sociologies des mobilisations collectives, mais le problème c'est que voilà, c'est d'essayer d'échapper à cette tension qui est ceux qui analysent une mobilisation collective. Qui savent déjà ce qui s'est passé. Donc, qui s'y intéressent pas vraiment, bon, d'une certaine façon. Parce que les jeux sont déjà faits. Et donc, finalement, il n'y a pas tellement besoin d'aller voir. C'est tout le trouble des sociologues critiques sur les événements de Tunisie. Même les plus intéressants travaux comme Béatrice Hibou sur la Tunisie. Et après, quand ils rencontrent l'événement, ils sont complètement perturbés. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ben, on croit qu'il s'est passé quelque chose, mais en fait, il ne s'est rien passé. Bon. Voilà. Parce que ça ne va pas. Donc, voilà. Et puis, alors, après, il y a... Alors, évidemment, sous la pression médiatique, etc., moi, je n'ai pas une semaine sans qu'un journaliste me contacte pour me dire, mais alors, les nouveaux mouvements sociaux, les nouvelles luttes, les nouveaux trucs, les nouveaux machins qui révolutionnent, etc. Il y a des gens qui se font l'apologue de... Alors, il se passe des tas de trucs nouveaux, etc., etc. Et donc, ils sont dans une sorte d'apologie populiste sans réfléchir tellement à ce qui se passe, ni la domination, etc. Donc, ce champ, disons, des mouvements sociaux est autant un problème qu'une source. Hein. Moi, je ne travaille pas sur ce secteur aujourd'hui. Je travaille sur la question de l'individualité. Là, il y a une source, il me semble. Dans cette enquête que j'avais menée sur la réception de la série télévisée Ally McBeal, et j'en ai formé un concept d'inspiration marxienne, disons, que j'appelle contradiction capitale-individualité. C'est que je me suis rendu compte que il y avait, disons... Alors, je faisais raconter... Alors, un sociologue qui va faire raconter sa vie intime à des gens, ça le fait pas normalement. Donc, en fait, j'ai trouvé ce biais de la série. Et je me suis rendu compte, en faisant quelques tests d'abord, que si j'interrogeais quelqu'un sur sur personnages de série préférés, toute sa vie sentimentale était déployée devant un inconnu très rapidement. Très rapidement. J'avais passé une annonce dans Femme Actuelle, j'avais eu énormément de demandes pour les entretiens, etc. Et donc, qu'est-ce qui est déployé là ? Et se déploie quand même des choses qui, souvent, dans le fort intérieur, il y a l'idée que dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, etc., même parfois dans les relations professionnelles, que le plus authentique, c'est des relations désintéressées. Donc, ça voudrait dire que dans le fort intérieur de beaucoup de contemporains, l'idée de la vie idéale est authentique, mais qui ne correspond pas aux contraintes de la vie quotidienne, c'est la vie désintéressée. Donc, que dans le fort intérieur de beaucoup des contemporains, il y a une valeur anticapitaliste, mais qui n'est pas pensée comme anticapitaliste, parce que ce n'est pas vu comme collectif, mais c'est comme vu de la définition de sa propre intimité. Donc, je pense que aujourd'hui, dans les torsions, dans les blessures, dans les frustrations de l'intimité, il y a énormément de choses, et donc il y a un travail sociologique énorme à faire autour de choses de la vie quotidienne de ce type. Bon. Hein? Mais Jean-Claude Cosfan fait ça, il n'est pas toujours pris au sérieux, parce que, comme il vend beaucoup de livres dans le milieu, le fait de... il était pris au sérieux dans ses premiers livres, parce qu'il ne vendait pas beaucoup, et maintenant qu'il vend beaucoup, plus personne ne lit dans le milieu. Parce qu'on disait, non, c'est de la sociologie médiatique, etc. Bon. Et il y a des choses très intéressantes, même dans La femme seule et le prince charmant, dans ce livre qui s'appelle Premier matin, qui est sur les premiers matins amoureux, dans des relations de couple, etc. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Bon. Et là, dans la sociologie de la vie quotidienne, intime, du couple, de la famille, etc., il me semble, là, il y a autour des torsions de l'individualité, etc., il y a un élément intéressant, et donc il y a à construire des concepts et puis des terrains très intéressants. Bon. Et c'est un terrain qui est pas peu moins occupé que la sociologie des mouvements sociaux, là où c'est très... Bien, merci. Je crois que là, c'est un peu notre dernière question et notre dernière réponse, donc il va falloir lever la séance. Merci beaucoup à Philippe Corpuff. Je rappelle que la prochaine séance est Franck Poupeau le 21 janvier. Sur